toutes, salut à tous, bienvenue, c'est la Radar du Sport, Radio Arc-en-Ciel, ravi de vous retrouver, c'est Rémi qui est avec vous ce soir. Et Alex qui nous a rejoint et qui va être avec nous dans quelques secondes, il est en train de s'installer gentiment. Et puis bien sûr on retrouvera Hugo à partir de 21h pour tout le foot de la semaine, hein, plein de choses encore ce soir. Je vous rappelle que pour nous écouter c'est le 96.2 FM. Si vous êtes en voiture, si vous êtes sur le secteur du Loiret, et puis sinon vous pouvez nous écouter partout sur le site radio-arc-en-ciel.com. Voilà, vous pouvez nous suivre partout. Vous êtes au travail, bon courage. Et puis sinon, bah, profitez-en en tout cas. On est ensemble jusqu'à 22h30 ce soir. Au programme, eh bien, je vous le disais, du foot. On va revenir sur la Ligue des Champions. Bien sûr avec ses huitièmes de finale retour, les quarts de finale qui se profilent, on va en parler bien sûr tout à l'heure, et puis bien sûr tout ce qui s'est passé aussi ce week-end dans nos championnats, dans les championnats européens. On va revenir sur la finale de la League Cup, de la Coupe de la Ligue anglaise aussi tout à l'heure, et puis bien sûr on va évoquer cette semaine internationale qui nous attend avec deux matchs amicaux pour nos bleus que on va retrouver donc à partir de jeudi. Voilà le programme. Sur le foot, on va aussi revenir sur tout ce que s'est passé aussi sur le reste de l'actualité, hein, avec du rugby, du tennis, on avait du basket aussi, du handball, voilà, il s'est passé plein de choses. La fin aussi de saison en biathlon, c'était qui s'est clôturé hier, avec les dernières étapes, deux Français vainqueurs de ces deux Coupes du Monde, donc c'est assez rare pour le signaler, on va y revenir. Voilà, donc le programme de ce soir, pas de direct pour une fois, puisque bah, vous le savez, c'est la trêve. International, donc pas de direct en tout cas en football. Il y a quelques directs tennis, on les évoquera, hein, mais il n'y a pas grand chose, hein, ce sera plutôt un peu plus tard dans la soirée, mais voilà, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis donc il nous a rejoint, c'est Alex. J'espère que ça va fonctionner puisque je ne sais pas sur quel micro il est, mais on va voir. Salut Alex. Salut. C'est nickel, c'est le bon micro. Comment c'est tu bon vas micro. Mais ça va très bien, et toi? Bah génial, ravi de te retrouver. Bah c'est ça exactement, content de te retrouver, content de vous retrouver. Et ben on est ensemble jusqu'à 22h30. Bien sûr, on va revenir avec toi sur tout ce qui s'est passé, hein, sur le foot. Il y a eu plein de choses encore, hein, cette semaine. Belle semaine. Hein. Belle semaine. Oui, on va y revenir tout à l'heure. On va se régaler. C'est ça, avec Hugo qui nous retrouvera à 21h, comme d'habitude pour tout le foot européen et en France. Bien sûr, la Ligue 1. On l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il s'est passé plein de choses ce week-end, hein, avec Lens qui se remet à gagner, avec la défaite de Marseille. Face défaite à Lille. De Marseille, défaite de Lyon également. Et oui, tout sur serre. Tout le monde se rapproche. Une grosse lutte, ouais. Voilà, aussi en Angleterre. C'était enrichissant, et dernière ligne droite bientôt. Ouais, on va se régaler sur cette fin de saison un peu partout en Europe. Voilà pour le programme. Donc, je vous rappelle, pour nous joindre, 02 38 434 800 si vous voulez réagir à tout ce qu'on dit ce soir. Si vous voulez sortir un sujet du chapeau, n'hésitez pas aussi. Hein, on peut en parler. On a un petit peu de temps pour ça, puisqu'on aura un petit peu moins d'actu foot, puisqu'il n'y a pas de match cette semaine, en tout cas en championnat, donc il n'y aura pas de pronostic, donc on va gagner un petit peu de temps. Donc si vous voulez évoquer autre chose, pourquoi pas. Voilà pour donc ce gros programme de ce soir, la Radar du Sport. Ça commence maintenant. Arc-en-Ciel, 96.2. La FM en couleur. Voilà donc pour ce début d'émission. On va commencer avec, donc je vous le disais, il y a quelques minutes, la fin de saison dans les sports d'hiver, hein, notamment en biathlon. Ça s'est terminé avec les dernières étapes qui se déroulaient à Oslo, comme chaque saison. Ça se termine en Norvège, l'un des pays du biathlon, hein, c'était aussi le pays du biathlon, c'était aussi la France cette saison, puisqu'il y a eu énormément de victoires. Les deux gros globes du classement général sont revenus aux Français, hein. Éric Perrault pour les hommes et Lou Jeanmonod pour les femmes. Il y avait très peu de suspense sur cette dernière étape, hein. Il fallait très peu de points pour s'imposer. Ça a été fait avec brio pour nos Français. Donc, alors qu'ils n'ont pas remporté de course ce week-end, mais l'important était ailleurs. C'est notamment la Suède et la Norvège qui ont trossé toutes les courses. La Suède pour le sprint femme, c'est Anna Öberg, l'une des sœurs Öberg, qui s'est imposée. Meilleure place, c'est pour Julia Simon qui a fini quatrième. Aussi une terre d'une très très belle saison. C'est vrai qu'elle a pas démarré la saison avec ses petits soucis extra-sportifs, donc ça a été compliqué de revenir, mais elle a fini comme très très fort cette saison, avec des très beaux jeux aussi olympiques. Donc voilà, ça fait une grosse saison pour elle quand même, qui finit sixième du général, hein, avec une saison tronquée, donc ça reste quand même une grosse performance pour la française. Et puis donc chez les hommes, c'est Sturla Lagret qui s'est imposé norvégien devant Jacqueline et Perrault sur ce sprint. Donc là aussi norvégien très en forme, il n'a pas lâché le podium depuis qu'il, est, qu'il a commencé les Jeux, c'est assez fort cette performance. Il a récidivé sur la poursuite samedi, là on a retrouvé le même podium, Éric Perrault et Jacqueline. Mais dans le désordre, Éric Perrault battu sprint hein, sur la photo finish. Mais voilà, si je vous le disais, c'était l'important était ailleurs, c'était tout simplement de remporter ce gros globe pour nous Français. Et puis les mass start avec à noter aussi Anna Heuberg qui avait remporté la poursuite. Donc voilà, un doublé aussi pour elle. Et puis les mass start hier, victoire chez les hommes pour Button. Norvégien, Perrault troisième, encore une belle perf. Hein. Et puis chez les femmes, c'est Lisa Vitozzi, italienne, qui s'est imposée. Julia Simon qui terminera sixième. Donc de belles courses, des petits globes aussi remportés hein, pour nos Français. Hein. Ça a été une grosse saison. Et puis bien sûr des jeux qui ont été incroyables aussi. Hein. On s'en souvient avec toutes les médailles remportées par le biathlon dans ces plus de la moitié des médailles françaises étaient amenées par le biathlon. Donc une grosse saison, ce sera compliqué de faire mieux, mais en tout cas on a hâte de retrouver tout ce beau monde à partir de novembre hein, pour attaquer la nouvelle saison donc de biathlon. Puis bien sûr on a dans le viseur 2030 hein, les Jeux Olympiques sur les Alpes françaises. Bien sûr on aura hâte de retrouver tout le monde. Voilà pour le biathlon. Et puis c'était aussi la fin en ski alpin. Bien sûr, hein, fin de saison, voilà, un petit peu dans toutes les disciplines. Il restera encore deux courses demain et mercredi. Ça changera pas grand-chose hein, puisque c'est Marco Odermatt, le Suisse, qui est largement devant. Donc ça ne bougera plus pour les hommes. Et puis chez les femmes, là aussi ça ne bougera plus. Michaela Schifrin. L'américaine devrait s'imposer hein, normalement, même s'il reste encore deux courses où ça peut bouger, mais voilà, elle a quand même une avance confortable au classement pour s'imposer donc l'américaine. Voilà pour refermer cette page biathlon. Est-ce que tu suis un petit peu le biathlon, Alex? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Je devrais peut-être, mais ça donne envie en tout cas. C'est chouette. Hein, y a du spectacle, il y a du suspense. C'est vrai que le ski de fond c'est un petit peu plus monotone à regarder, mais c'est vrai que le biathlon, c'est ce qui est chouette, c'est le tir, et ça relance du suspense, donc assez chouette à regarder. On a quelques-uns en plus qui sont bons. On a des bons Français, donc en plus c'est toujours sympa à regarder. Donc voilà, donc on retrouvera tout ça à partir de novembre maintenant pour cette nouvelle saison. Des directs, je vous le disais hein, tout à l'heure, il n'y aura pas de foot ce soir, mais on aura du tennis. Donc c'est Miami cette semaine hein, qui se déroule. On reviendra aussi sur Indian Wells qui avait lieu la semaine passée. Quelques surprises déjà, la défaite d'Alcaraz hein, hier qui s'est incliné en trois manches, donc c'est déjà fini pour l'Espagnol à Miami. Tout à l'heure, deux Français se sont qualifiés pour la suite, notamment Hugo Humbert qui a battu Shevchenko. Alors c'est pas l'ancien footeur, rien à voir. Et c'est pas non plus la petite pépite de Lyon, Rémi Humbert, je pense pas. Non plus. Très bien. Je sais même pas, je crois pas qu'il y ait de parenté. Hein. Qui a remporté donc son match 6-4, 7-6. Notre autre Français aussi engagé aujourd'hui, c'est Atman qui s'est imposé également. Là c'est une grosse perf hein, face à Félix Auger-Aliassime, le Canadien, en trois manches 6-3, 6-3. Donc grosse perf pour le Français qualifié aussi pour la suite. Tout à l'heure on aura deux autres Français à 23h. Alors on n'aura pas l'occasion de suivre ce match, ce sera Quentin Lys face à Machrax, c'est à partir de 23h. Et puis un autre Français qui sera face à un grand défi, c'est Corentin Moutet qui sera face à Yannick Sinner. Voilà, tout simplement le grand favori maintenant avec la défaite d'Alcaraz. Tout ce tournoi sera à partir aux alentours de minuit hein, cette rencontre pour le Français, donc de ce grand défi qui l'attend face à l'Italien. Puis un petit peu plus tôt aussi on aura Marin Cilic-Zverev, l'entrée en lice du numéro 3 mondial. Et puis en direct c'est Frances Tiafoe, l'Américain, qui affronte Mensic. C'est le tie-break de la première manche pour l'instant, donc pas d'avantage pour l'un ou l'autre. Voilà les quelques matchs qu'on va pouvoir suivre ce soir. Il y aura pas de foot, je vous le rappelle, puisque c'est la trêve internationale et on aura l'occasion de reparler de tout ça tout à l'heure. Le handball, je le disais aussi hein, c'était la trêve internationale aussi pour les hommes, avec donc deux matchs amicaux qui ont lieu pour les Français. Voilà, donc avec une première victoire qui a eu lieu dans ce premier match amical, 29-26, comme match accroché, puis match nul sur le match retour, sur le deuxième match, qui était en Espagne cette fois, 25 partout. C'est un match nul qui a été arraché par l'équipe de France, qui a été très longtemps mis en difficulté, hein, et finalement qui a arraché le nul, 25 partout. Il y a du travail encore. Donc on rappelle que ça a bougé, hein, bien sûr, dans le staff de l'équipe de France masculine, puisque c'est désormais Talent Doujabef qui est l'entraîneur de cette équipe de France masculine, et il va avoir du travail forcément pour préparer de nouvelles échéances, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et les Bleus qui auront droit début mai, deux matchs face à la Tchéquie, ce sera donc pour les qualifs de Mondial 2027, et ce sera le 17 à Orléans. Notez bien le rendez-vous. Donc le 17 mai, on retrouvera l'équipe de France masculine de handball à domicile face à la République tchèque, et puis le 13 ce sera à l'extérieur pour le premier match. Donc notez bien, on rappellera, ce sera la Comet Arena, bien sûr, cette belle affiche donc de handball pour les qualifs, tout simplement, du mondial qui aura lieu en début 2027. Ça va être le retour du coup du championnat avec notamment Saran, que l'on va retrouver désormais pour poursuivre cette belle saison. Ce sera à l'extérieur à Pau, pour affronter Pau Bilière, donc ce sera vendredi à 20h30. On rappelle que pour Saran, ça se passe très bien, 4e place à 1 point de Ivry, à 2 points de Caen et à 3 points de Pau, justement, qui est leader. Donc c'est vraiment le match attendu ce week-end pour Saran. Ça peut être déterminant pour la suite. Bien sûr, on rappelle, c'est les playoffs en fin de saison, mais une meilleure place donnera un avantage, c'est sûr, pour le tirage, et puis pour recevoir surtout sur les matchs retour. On rappelle, c'est très un avantage qui peut avoir son importance parfois. Ce sera important de terminer le plus haut possible, donc dans cette fin de saison. Et puis donc en Star League, bien sûr, ça va reprendre pour Paris notamment, pour Nantes, voilà, ça va être la suite de la saison. Après, c'est toujours Paris qui est en tête, hein, avec 2 points d'avance sur les Nantais. On va suivre cette 21e journée. Ce sera samedi, ces rencontres, pour Paris notamment, pour Nantes. Et on rappelle aussi la nouveauté, ce sera à partir de la saison prochaine, l'instauration. C'est ça. Hein. C'est exactement ça. On est bon. Des playoffs aussi pour la Star League. Donc en première division, ça va un peu bouger peut-être, puisque on rappelle que Paris est champion de France handball depuis presque 15 ans. Et justement, voilà, on va instaurer ces playoffs pour essayer de relancer un peu du suspense en fin de saison. Pourquoi pas. Donc peut-être que ça arrivera en Ligue 1 un jour. On ne sait jamais. Croise les doigts. Et ça peut essayer de faire un petit peu bouger les choses. Même si pour le coup cette saison c'est plutôt serré, donc on verra ce que ça donne. En tout cas voilà, c'est la reprise de cette saison en Star League pour la 21e journée de cette compétition. Puis en Ligue des Champions, on rappelle aussi, ça va reprendre à partir des 8e pour nos Françaises qualifiées. C'est déjà le cas aussi pour les filles, même si elles sont déjà qualifiées pour les quarts, hein, donc elles attendent leur adversaire, Metz et Brest, pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Voilà pour le handball. Du basket aussi, hein, pour parler de l'OLB. Ça se passe pas bien pour l'OLB, hein, en ce moment, hein, qui traverse une petite série noire, avec deux défaites la semaine passée, hein, puisqu'il y avait deux journées. La première, c'était à domicile face à Pau, c'était mardi, défaite 84-82 dans les dernières secondes, voilà, qui a chuté dans les toutes dernières secondes, et rebelote vendredi avec une défaite 74-72 qui a été battue aussi à la fin. Dans les dernières secondes aussi. Pareil, même scénario à l'extérieur, cette fois à Vichy, réussira à se relever, ça. Ça va être compliqué, il y avait déjà eu une défaite la semaine passée, donc ça fait 3 défaites consécutives. Pau, Orléans est désormais 4e, donc derrière Pau, qui est 3e, Blois est 2e, et puis Rouen qui s'est envolé, hein. Maintenant on ne les retrouvera plus, qui va terminer en tête et qui du coup va monter directement la saison prochaine. Pour les autres, il faudra passer par les playoffs, donc Orléans en sera. Évidemment, il faudra essayer de finir à la meilleure place possible aussi pour essayer d'avoir un tirage plus abordable. La prochaine journée, c'est cette semaine, Orléans donc jouera samedi, réception de Denain donc à 20h à la Comet Arena face à Denain qui est pas loin, qui est cinquième, qui est juste derrière, donc à égalité de victoire. Donc c'est vraiment primordial vraiment de gagner ce match pour ne pas se faire dépasser. Donc ils auront besoin de vous samedi 20h à la Comet Arena donc face à Denain. Donc voilà, on attend évidemment du monde pour cette nouvelle journée. C'est la fin aussi pratiquement de la phase de ligue de l'Euroleague justement. Il reste encore 4 matchs, 5 en comptant celui de cette semaine, pour essayer de se qualifier pour Monaco, qui est 9e, hein, qui est aux portes de la qualif du top 8. Ça se joue vraiment à peu de choses. Il va falloir jouer ces derniers matchs pour se qualifier. Réception du dans déplacement vendredi au Panathinaikos, qui est 8e, qui est juste devant. Donc c'est voilà, le match à gagner là aussi pour Monaco, pour repasser dans le top 8 et se qualifier pour donc la suite, donc et les quarts de finale de cette Euroleague, voilà, grande compétition européenne de basket, voilà, pour essayer de aller chercher une, c'est comme la saison passée, donc c'est ce stade des compétitions. Et puis à noter qu'en Eurocoupe, donc la deuxième compétition européenne, c'est Bourg-en-Bresse qui s'est qualifié pour les demi-finales, après avoir battu en match aller-retour Ljubljana, en revanche les demi-finales seront en aller-retour, donc ce sera face à Ankara mardi donc de la semaine prochaine, match aller, et le vendredi suivant le match retour à l'extérieur, pour essayer d'aller chercher une finale dans cette Eurocoupe. Voilà donc la deuxième compétition dans la hiérarchie des coupes d'Europe de basket. Voilà. Pour être assez complet sur le basket. En NBA, là aussi on approche gentiment hein, de la fin de saison. Alors ça se passe très très bien hein, pour les Spurs, qui sont encore sur une grosse série de victoires hein, et qui reste voilà bien placé à deuxième place, officiellement qualifié pour les playoffs aussi. Même s'il reste beaucoup de matchs, voilà, c'est déjà fait mathématiquement, et qui désormais a 4-3 victoires sur Oklahoma City, qui est en tête, donc peuvent même essayer d'aller chercher la première place dans la fin de saison. Alors qu'à l'est, c'est Détroit qui domine et Boston qui est deuxième. Voilà, il reste une vingtaine de matchs avant la fin de phase de ligue, avant d'attaquer bien sûr les playoffs qu'on a hâte de découvrir, savoir qui va se qualifier. Et puis Wembanyama toujours au top hein, incroyable hein, ce joueur bien sûr qu'on va retrouver avec l'équipe de France aussi hein, bien sûr. Donc voilà pour le basket, l'actualité ce soir. Un petit point sur les directs hein, c'est Tiafo qui a remporté la première manche au tie-break 7-4, donc il mène 1-0 dans cette rencontre face à Mensik le Tchèque. Et puis je rappelle deux Français qui sont passés aujourd'hui, Goembert et Atman, donc qui se qualifient pour les huitièmes de finale de ce Master 1000 de Miami. On parlera tout à l'heure d'Indian Wells qui avait lieu donc la semaine passée. Donc juste dans un instant, avant cela, un mot de rugby, puisque ça se poursuit bien sûr en top 14. Là aussi, on approche trop gentiment de la fin de la phase de poule, où ça n'a pas bougé en tête. Hein. Toulouse toujours largement en tête de ce classement, vainqueur hein, donc de sa rencontre ce week-end face à Bordeaux-Bègles. C'était l'un des chocs de cette rencontre, victoire donc 44-20 à domicile pour Bordeaux, voilà qui a subi. Toulouse qui a subi les foudres de Bordeaux avec 6 essais encaissés, c'est assez rare pour le signaler pour Toulouse hein, qui a perdu que 5 matchs cette saison. Montpellier reste deuxième face à sa victoire à Clermont 20-17, et puis donc Pau reste troisième malgré sa défaite. Bordeaux Black suit donc quatrième, Stade Français cinquième, Clermont est sixième. Pour l'instant c'est le top 6 qualifié pour les playoffs. Au Racing 50 points pour encore espérer, pour La Rochelle, Toulon ça va être un peu plus compliqué, puis en bas évidemment pour Perpignan, pour Montauban c'est fini pour Perpignan, et enfin passer par les playoffs, voilà c'est déjà officiel malgré encore quelques rencontres à jouer samedi et dimanche. Et bien encore une journée pour la 20e journée, c'est le Stade Français qui recevra Clermont pour un match important pour les playoffs, ce sera dimanche à 21h05. Et puis un mot du RCO en National 2 qui jouait l'un des premiers matchs à La Source, hein, au stade de La Source, on le rappelle, c'est bien passé pour l'URCO qui s'est imposé à domicile. Là encore une grosse victoire et qui permet eh bien de rester en tête de ce classement. Là aussi, on le rappelle, il y aura des playoffs en fin de saison et il est important de rester en tête pour tout simplement avoir un tirage un peu plus sympa ensuite. Alors il y a 8 points d'avance pour l'URCO en tête, donc a priori ça risque de rester comme ça, même s'il reste encore quelques matchs, mais ça se passe très très bien. On va jouer la 20e journée donc sur cette nouvelle journée donc à l'extérieur pour l'URCO, et on aura encore une dernière journée à domicile et après on aura fini face à Drancy qui est assez loin au classement, et ce sera donc à domicile le dernier match à Marcel Garcin. On rappelle qu'après ce sera à La Source pour l'RCO qui jouera avec l'USO, enfin pas en même temps je vous rassure mais qui jouera en alternance avec l'USO. Donc ce sera le 5 avril 15h15 pour les adieux de Marcel Garcin, donc et pour valider la première place, ce sera fait, hein. Il y a beaucoup d'avance. Il reste que 2 matchs et après, on attaquera forcément les playoffs. Et on rappelle que l'URCO démarrera en quart de finale avec l'avantage de jouer au retour à domicile. Et puis en cas de qualification pour les demi, la montée sera déjà faite pour la National 1, c'est-à-dire la 3e division, hein, pour l'URCO. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher le titre, même si il y aura plus autant d'enjeux, mais un titre reste un titre. Donc on aura bien sûr l'occasion de reparler de tout ça la semaine prochaine, puis les semaines à venir, évidemment. Du tennis, je vous le disais, pour finir cette première partie, c'était donc la semaine passée, Indian Wells, le premier Master 1000 de la saison, qui est revenu à Yannick Sinner, l'Italien, qui s'est imposé en battant en finale Daniil Medvedev en 2-7, très serré, 7-6-7-6, donc 2 tie-break. Voilà, mais l'Italien qui était plus fort sur la rencontre pour s'imposer. On rappelle qu'Alcaraz a été battu en demi-finale par Medvedev justement. Et puis Zverev, lui est arrivé en demi-finale, battu donc par Sinner. Et à noter que Novak Djokovic a été battu très tôt, hein, 8e de finale par Jack Draper, le Britannique, en 3 manches. Et il est absent cette semaine, le Serbe, pour une blessure. Donc il sera pas présent à Miami. Enfin, il n'est pas présent à Miami. Et on le retrouvera maintenant sur la saison de terre battue, hein, forcément, il faut laisser du repos pour le CERM et revenir, on espère, en forme pour attaquer la saison de terre battue avec en ligne de mire, bien sûr, Roland Garros, pour pourquoi pas aller chercher son 25e grand chelem, hein, qui lui tend les bras depuis quelques mois maintenant, mais ça ne passe pas pour l'instant pour le CERM. Donc cette semaine, donc Miami, donc je vous le disais, ça n'est pas passé pour Alcaraz, battu dès le troisième tour même par Sebastián Cornal, l'Américain, en 3 manches. Donc c'est fini pour l'Espagnol. Les Français, bon, on en a parlé, hein, 3 qualifiés, hein, puisque je vous l'ai dit, Hugo Humbert, on a Talens Altman, et puis Arthur Fils qui a battu Tsitsipas, qui a expédié même son match 6-0, 6-1 face au Grec tout à l'heure dans l'après-midi. Impressionnant le Français pour se qualifier pour les huitièmes. Et puis on aura peut-être d'autres Français, puisque on l'a dit tout à l'heure, Corentin Moutet jouera cette nuit face à Sinner, et puis Quentin Alice joue tout à l'heure aussi, donc pour essayer d'aller retrouver d'autres Français donc pour ces huitièmes de finale. Voilà, donc avec l'absence donc de l'Espagnol qui va perdre pas mal de points au classement avec cette défaite prématurée. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Et après, on va attaquer forcément la saison de terre battue gentiment avec pas mal d'échéances avant, bien sûr, Roland Garros. Voilà pour le tennis. Donc avec les directs qui se poursuivent, on aura dans quelques minutes Marin Cilic et l'acteur Zverev qui vont s'affronter. Et puis donc un peu plus tard dans la soirée, on aura nos deux Français qui vont entrer en piste. Allez, on va marquer une pause et puis on va se retrouver donc juste après pour la suite avec Hugo qu'on va retrouver pour tout ce débrief. Hein, on a pas mal de choses à dire. Hein. Bien sûr, Ligue des Champions. J'imagine que Alex, tu as vu tous les matchs, enfin tous les matchs. En tout cas, pas mal de matchs. On ne peut pas en voir plusieurs en même temps, mais bien sûr, on va revenir sur Paris. Après, c'est double écran, mais

Donc ce sera une semaine importante, bien sûr. On parlera aussi de, on va en parler même juste dans un instant, de la Ligue des Champions avec les huitièmes retours. Avec les quarts de finale donc qui se profilent, voilà, un petit point sur ce qui nous attend. Et puis bien sûr nos championnats hein, européens, ça a bougé un petit peu partout. Voilà, ça se resserre un petit peu dans certains championnats. On va le voir, l'Italie où l'Inter laisse filer des points. On va voir qu'en Angleterre aussi ça se resserre. Voilà, il y a plein de suspense. Et puis en France, là aussi ça c'est bien resserré. Hein. Bien sûr avec la défaite de Marseille hier, avec la défaite de Lyon, ça resserre un petit peu tout ce beau monde. Donc on va évoquer tout ça. Un mot. Donc, on va commencer par la Ligue des Champions, hein, bien entendu, avec ces matchs retour hein, que l'on a suivi. Évidemment, c'était mardi et mercredi. On va pas revenir sur tous les matchs, bien entendu, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs, mais on va revenir forcément sur le match de Paris, hein, qui a été encore en démonstration à Chelsea. Le Real aussi, bien sûr, on va l'évoquer. Puis pour les autres matchs, il y a eu moins de suspense. Dans certains matchs, pour le Bayern, pour le Barça qui a fait le job, mais voilà, on va en parler rapidement. Commençons par Paris, si vous voulez bien, donc qui était déjà bien en avance avec 3 buts d'avance à l'aller, qui se déplaçait à Chelsea. On avait un peu parlé de ce match. Voilà, on se disait que bon, Paris forcément avait un gros avantage, mais que peut-être ça pourrait être compliqué à l'extérieur. Bah finalement non, hein, Paris qui a été encore très très fort et aussi peut-être que Chelsea a été beaucoup moins fort. Hein. C'est les déboires défensifs, hein, c'est les déboires de la défense des Blues qui dès le début de match de toute façon. Offre déjà presque sur un plateau la qualif au PSG quoi. On le voit sur le premier but de la sixième de Kvara, c'est à la base c'est un 6 mètres hein, je crois, c'est un dégagement en tout cas de Safonov, ça vient vers Mamadou Sarr qui va à peine pouvoir toucher le ballon et ça va lancer en fait Baratrelia qui va complètement s'imposer physiquement et même au niveau de la vitesse et voilà, mais c'est vraiment rien que sur ce but là déjà c'est presque un but un peu cadeau que font les Blues et oui le jeu de Mamadou Sarr sur cette action là mais c'est un petit peu ce qui a été le cas aussi après sur le deuxième but de Barcola, alors même s'il est beau aussi mais c'est vrai que Chelsea là a donné vraiment les clés au PSG pour aller tout droit vers les quarts hein. C'est un échec en fait peut-être de Blouko si on revient même sur sur à la fois l'aller et le retour. Ça s'est joué en courant un peu plus d'une demi-heure, la fin du match aller quand même catastrophique pour Chelsea. En fait Chelsea se donne tout simplement. Est-ce que c'est vraiment Paris qui est surdominant ou juste Chelsea qui est en train de couler? Ils avaient besoin d'un renfort défensif absolument cet hiver. J'ai rien contre le jeune Mamadou Sarr, mais bah voilà, trop de pression, comme ça arriver directement pour occuper une place de titulaire, on peut quand même se poser des questions quant aux décisions de Blouko, je trouve. Et même de Rosénio, on lui va faire un contrat assez dingue à Chelsea, là, au final, et là, au bout de 3 mois, on a presque l'impression qu'il est déjà sur la sellette, quoi. C'est ça qui est assez dingue aussi. Quasiment. Alors que c'est censé être le gars qui a des idées, le gars qui a des pépites, on l'a fait débarquer de Strasbourg comme ça en pleine saison, alors qu'il n'y avait pas forcément, encore une fois, mort d'homme à Chelsea, ou plus que ça. Et au final, on voit que même lui, alors, il n'a pas vécu une intersaison encore, donc forcément, il n'a pas pu faire son propre mercato, on est bien d'accord. J'allais venir, oui, un petit souci aussi quand même quant à la préparation, mais c'était un peu pareil avec Maresca, hein, mine de rien. C'est pas forcément une grosse personnalité de base, et faut avoir les épaules dans ce contexte-là aussi pour reprendre Chelsea. Forcément, il n'allait pas dire non, mais ça reste aussi une décision de Blouko de lui offrir ce point en or avec un énorme contrat. C'est quand même difficile à refuser, mais en effet, il y a des lacunes partout dans ce club. On en avait un petit peu parlé, ils avaient joué face à Arsenal la dernière fois, avant d'affronter Paris, justement, le match aller. Ça manquait de profondeur, et on l'a vu, ils ont essayé quand même au Parc, mais ça n'a pas suffi, et c'était terminé 3-0 à Stamford Bridge. Mais du coup, une question, parce que là, on parlait de Chelsea, qui est nettement inférieure. Est-ce que vraiment on a pu se rendre compte que Paris était bien mieux cette saison, ou finalement, on sait pas trop, puisque il y avait pas forcément un grand affrontement en face. Hein. Ouais, mais si on voit, enfin, encore une fois, comme je le disais ou on le disait la dernière fois, je sais plus, peut-être la semaine dernière, mais Barra, quand il décide de jouer, il joue quoi, et souvent c'est avec des champions en Ligue 1. Je pense que t'as quand même des adversités qui sont moindres que Chelsea et où le PSG se balade moins. Alors voilà, peut-être qu'il ils s'y mettent pas à 100%, donc Vara, parce que c'est souvent l'exemple qu'on prend tous, parce que en Ligue 1, il crève pas les yeux, Vara, et à chaque fois en Ligue des Champions, c'est lui qui te sort d'affaire, ou en tout cas qui te qualifie la plupart du temps, ou qui te lance la machine, en fait. Donc que ce soit Chelsea ou qui tu veux. Alors forcément, oui, on aura peut-être si ça avait été le Barça ou le Bayern, là on aurait vraiment vu une vraie adversité en face. Maintenant, ça reste Chelsea qui reste dans le top 5 de Première Ligue. Alors là, ils sont sur une difficile série catastrophique. Mais c'est catastrophique. Ils se battent pour, en tout cas, mais pour le coup, Everton a aussi réussi à asseoir quand même sa domination sur Chelsea ce week-end. Là, ça fait un mois que Chelsea c'est plus que compliqué. Mais Paris reste quand même très fort, et quand faut élever son niveau de jeu, ils savent le faire. Ouais. Ils répondent présent. Tu parlais de Guevara. Qui avait cette fois décidé, enfin c'est pas lui qui a décidé, hein, c'est plutôt Enrique, mais qui avait décidé de le mettre titulaire, et c'est vrai que ça a plutôt payé, hein, même si à l'aller il avait été joker. Tout à fait. Ça a poursuivi avec un petit replacement aussi. Je sais pas si vous avez vu ce week-end, il était davantage en pointe, on va dire au poste de Dembélé depuis l'année dernière. Ouais. Donc vraiment couteau suisse. Ouais, qui rentre en cours de match ou qui soit titulaire, il est pour le coup toujours efficace. Hein, pertinent. Pour le coup, Chelsea quand même qui a tenté pas mal dans ce match, qui a eu quelques occasions, qui a tiré d'ailleurs plus de fois que Paris, qui a été presque plus dangereux, en tout cas sur le nombre de tirs. Mais c'est vrai qu'on a quand même un Safonov qui a fait le job là. Oui, sur sa ligne, il a fait le job. Sur deux trois sorties ou même deux balles ou même sorties aériennes, il est pas toujours rassurant, Safonov quand même. C'était un petit peu Donnarumma-esque que j'ai trouvé sur ce match-là. Mais alors Safonov ou Chevalier pour vous? Petit la confiance est côté Safonov là. La confiance c'est clairement la confiance d'Enrique et vers Safonov. Ouais. Ça c'est sûr, dans sa tête à lui, oui. Après, me concernant, je trouve quand même qu'il a peut-être été enterré un petit peu trop vite, et puis on a envie d'avoir une relève française, en fait, tout simplement, à qui on donne de la confiance, à qui on prouve. Hein. C'est quand même fou quand on voit ce qu'il a fait l'année dernière. Le nombre d'arrêts arrêtés en Ligue des Champions, il avait l'air de prouver. Alors est-ce qu'il a eu du mal à vraiment digérer ce transfert-là pour être le nouveau visage dans les gardiens de Paris? C'est je saurais pas vous dire, mais en tout cas c'est pour l'instant Safonov en premier. Après je suis d'accord avec toi Alex, du coup moi je pense aussi qu'on l'a enterré beaucoup trop vite, si je veux dire, ou peut-être les médias nationaux peut-être l'ont un peu trop enterré rapidement, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat. En tout cas, pour cette seconde partie de saison, il n'y a plus vraiment de débat au final. C'est Safonov qui commence à chaque fois. Mais voilà, vraiment, le lien de confiance avec Enrique, c'est quand même le russe, quoi. Ouais. C'est vrai, mais convaincu. Du coup, il y a quand même un petit point noir sur tout n'a pas été beau, puisqu'il y a un gros point noir, c'est la blessure de Bardi Barcola, quand même. Oui, c'est sûr que forcément, surtout que là, il est sur une très bonne série. Depuis quelques semaines, il est très important et il apporte beaucoup de choses devant. On peut encore lui reprocher parfois sa finition, même si il a une nouvelle fois marqué sur ce match face à Chelsea. Je sais pour combien de temps là, je sais même plus. Un mois a priori. C'est un mois. Ouais, c'est ça. Grosso modo. Donc, j'espère que ça permettra peut-être à Désiré Doué aussi de se réveiller. Parce que je suppose que ça va forcément rebattre les cartes sur Désiré Doué. Oui, forcément, c'est sûr que c'est un point noir, c'est le gros point noir de la soirée de ce match retour à Chelsea. Hein. C'est forcément cette blessure de Barcola qui va manquer. Alors, je sais pas si Barcola ou pas face à Liverpool, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Je suis quand même se méfier forcément de ces Reds-là, mais... Encore une fois, c'est pas la plus grosse adversité qu'on aurait pu avoir dans ces quarts de finale. Si on sort du tableau du tournoi comme c'est maintenant, je veux dire. Mais forcément, évidemment, que c'est un point noir de par ce qu'il apporte et mine de rien son talent quand même et sa forme qu'il a actuellement, sa confiance. Donc forcément, que c'est une grosse perte pour le PSG quand même en Ligue des Champions. Oui, tu commençais à évoquer Liverpool. Pas mal de blessés aussi côté Reds, ouais. C'est surtout après ce week-end en plus. Déjà ça, ouais. Là, avec des pépins physiques, Ikitike qui sort au tout début du match. Mbeki, il devrait être du voyage aux États-Unis. On l'espère, mais pour les Bleus. Hein. Et on peut enquiller sur les Liverpool du coup qui sera le match face à Paris en quart, donc il s'est qualifié en battant Galatasaray 4-0. Hein, c'est vrai que bon, les Galatasaray avaient fait le job à la maison. On avait un peu évoqué le retour. Hein, et finalement, on avait un peu raison. Hein, Liverpool a fait vraiment le job, qui a écrasé vraiment Galatasaray avec cette victoire 4-0. On va évoquer un petit peu ce match-là, même si c'est pas tout de suite. Hein, ce sera que le 8 avril. Mais est-ce que pour vous, Liverpool est peut-être plus dangereux que Chelsea? On va commencer avec Hugo. Oui, je pense quand même. Forcément, encore une fois, voilà, on verra si Ekitike sera vraiment remis à 100% sur pied. Alors ça, là, c'est pareil. Je sais pas s'il sera vraiment, s'il sera de retour à ce moment-là. J'ai un doute, mais je pense par contre que Isaac pourrait être bon. Mais ouais, voilà. Donc ça dépend un peu de ça. Mais maintenant, je pense que oui, Liverpool peut apporter autre chose parce que t'as beaucoup plus de cohérence mine de rien dans cet effectif-là. Puis t'as un coach qui est quand même en place et qui a ses idées et qui est respecté à Liverpool. Il y a beaucoup plus de facteurs en fait qui me semblent positifs quand même à Liverpool, malgré le fait que ils font pas une saison d'anthologie, pas une saison extraordinaire, loin de là. Mais je pense que Liverpool pour moi reste quand même bien sûr plus dangereux et fait une meilleure saison que Chelsea, en tout cas en Coupe d'Europe. Donc moi je me méfie plus de Liverpool que d'un Chelsea bien sûr, et je pense que l'adversité sera autre quand même. Et je pense que défensivement aussi il y a quand même plus de gabarit, il y a plus de solidité quand même à Liverpool. Alex, je serais pas aussi tranché. C'est vrai que j'avais peut-être un peu plus d'espoir sur Chelsea en tant que tel, mais je trouve qu'il y a un manque de proposition quand même de jeu au niveau de Liverpool. Quand ça les porte pas, on sait pas vraiment qui prend le relais. Ok, tout le monde parle de Solo Bazaï en ce moment, très très fort évidemment, mais est-ce que c'est pas le hisser un petit peu trop haut Solo Bazaï, qui juste porte un Liverpool malade? On peut parler l'année dernière, oui, on l'a dit, Salah, Gravenberch, même défensivement, Konaté c'est plus trop ça. Je pense qu'il va y avoir des très grosses brèches dans la défense de Liverpool, là où ça s'est joué peut-être en 15 minutes contre Chelsea, où il y a eu des erreurs. J'ai l'impression que surtout au match aller, va falloir vraiment faire le travail pour Paris, mais j'y crois. J'ai tendance à être plutôt optimiste pour ce match-là, peut-être un peu plus que toi, Hugo. Je sais pas ce que toi t'en dis, Rémi, mais... Ah non, mais moi personnellement je suis optimiste. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand même, c'est pas la pire adversité qu'on aurait pu avoir. Non, bien sûr, je pas cette formule, un peu de tennis. Non, je pense qu'on va le faire aussi. Non, pour moi le PSG est quand même quand même bien favori de cette rencontre. Oui, ils sont supérieurs. Et niveau compétition pour vous, c'est quoi là actuellement la potentielle meilleure équipe d'Europe? Moi je cocherais bien le Bayern quand même. Hein. Okay, parmi là, on a les quarts de finale devant les yeux là. Enfin, tout à fait. Arsenal, c'est un peu irrégulier par moment. Le Real, n'en parlons pas. Mais on va en parler juste après de ce match. Le Barça, c'est un peu pareil. Et je pense que le Bayern. Je sais même plus si c'est la finale potentielle ou la demi-finale face à Paris, je crois. C'est ça. Oui, gros choc. Ouais, attendu, ouais. Et on pourrait avoir la première fois potentiellement un classico en finale. Oui. Aussi. Exactement. Donc, pour moi, je mettrais plutôt le Bayern qui en plus n'a plus rien à jouer en championnat, donc, ils ont plus rien à soucier. Le Barça, le Real, mine de rien, ils se battent pour le titre en, Arsenal, c'est pareil, ils sont pas trop en avance. Paris, mine de rien, il fait à sa lance, c'est pas fait, hein. Attention, Liverpool, n'en parlons pas. Donc, ils avaient joué contre qui, le Bayern, en phase de ligue, en équipe de chapeau, hein, je parle. Arsenal, ouais. Mm-hmm. Parce que j'allais dire, moi, pour moi, c'est presque le premier vrai test européen, en tout cas, pour le Bayern, c'est là, quoi. Je pense pas qu'on puisse vraiment les jauger. Alors déjà sur le championnat, c'est quand même pas comparable, et puis même contre l'Atalanta, c'est même pas un débat. Alors ils avaient perdu, vous savez, j'ai le match devant les yeux, 3, face à Arsenal fin novembre, ouais, 3-1. Donc là c'est le premier vrai gros test pour moi là de la saison si on met Arsenal de côté, quoi. de la phase, en phase de ligue. Ouais. Ah oui, le Real, c'est pas, encore une fois, il y a des choses à redire. Quoique ce week-end, c'était intéressant, on en reparlera tout à l'heure avec le derby contre l'Atlético. Mais c'est là où je vais vraiment juger le Bayern, voir comment ils vont être face à ce Real-là. Pour ça que moi, je pense quand même que Paris reste encore le favori à la compétition quand même. Même si okay. ça ne va pas être simple, qu'ils montrent que le début de saison a été compliqué, enfin en tout cas a été au ralenti pour le PSG. Encore une fois, quand on voit qu'ils savent mettre un coup d'accélérateur et que là ils roulent sur l'équipe adverse, même si encore une fois on a évoqué les problèmes de Chelsea, le PSG reste encore une machine, hein, je trouve. Oui, quand ils ont envie de jouer, c'est clair que c'est très très fort. Hein, quand ils ont envie de se mettre à jouer, et bah là après il va falloir rester sur cette même lignée, mais c'est vrai qu'il y aura pas finalement, même là c'est Liverpool, il n'y a pas de gros adversaires avant le Bayern. C'est ça qui me fait un peu peur, c'est qu'on va tomber d'un coup d'une équipe après je suis pas contre des chèvres non plus, non bien sûr, mais pour moi aujourd'hui Liverpool et Chelsea ils ont pas tout le niveau du Bayern. Non, bien sûr, ouais, c'est ça que je veux, ça. Donc ça va nous faire tout drôle, enfin, j'ai pas vu que ça nous fasse tout drôle et que d'un coup, tu cite-moi une saison où en quart de finale, t'as 8 équipes stratosphériques. C'est normal, il y a toujours des nuances. Oui, mais. Surtout avec cette bien sûr, formule, mais Liverpool et Chelsea, enfin, habituellement, c'est quand même plus. Surtout Liverpool, c'est quand même plus fort que cette saison. L'an dernier, par exemple. Largement. Et pourtant, Paris avait été bien au-dessus, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Je trouve vraiment l'année dernière, alors oui, il y avait eu City, mais ce match contre Liverpool, ça a vraiment lancé l'épopée parisienne. Et en fait, là, voilà, fin mars maintenant, après la trêve, on rentre vraiment dans la dernière ligne droite. Dans la tête de certains joueurs aussi, ça va être objectif Coupe du Monde. Bien sûr. Il faut réussir à vraiment élever son niveau et peut-être pas s'appuyer sur les automatismes qui existaient déjà et vraiment lancer cette fin de saison-là. Évidemment, ça reste Chelsea, mais on est tellement habitué aussi maintenant avec ce pari-là. J'ai presque envie qu'il y ait vraiment quelque chose en plus. Je sais pas, c'est pour ça quand même. Moi, le Bayern, je les vois un peu au-dessus de tout le monde. Bon, on verra. On va attendre ces quarts de finale, déjà. Et on aura l'occasion d'en reparler. Rapidement, le Real qualifie donc après sa victoire à City. Vous avez vu le match, les gars? Vous avez choisi... notre match, Hugo. J'avais choisi ce match-là. Je repensais aussi à ce que disait Hugo et je te rejoignais quand même. Je me suis dit City chez eux, ils vont les étouffer et peut-être que sur un malentendu, ça puisse faire quelque chose. Malheureusement, le capitaine Silva, ça a duré un bon quart d'heure, voire les 20 minutes en fait, jusqu'au pénalty, jusqu'au carton rouge, hein, a étouffé. Même après, ils étaient pas ridicules. Même à 10, ils ont égalisé. Ils auraient pu, ils ont eu des occasions, mais enfin, c'est vrai que j'aurais bien voulu voir le match à 11 contre 11, moi, pour vraiment voir ce qui aurait été fait. Là, c'est vrai que à 10 contre le Real, tu sais que tu vas courir. Hein. Et mais après, voilà, Silva, c'est débile. Hein. C'est débile cette faute de main. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. C'est carton rouge. Surtout qu'il n'y avait pas but. Hein. Je pense que ça. Avec l'angle de la frappe, je pense qu'il y avait poteau. Hein. Je pense qu'il y avait poteau. Enfin, c'est pas dit. Faudrait. Je sais pas. J'ai pas forcément vu en termes de trajectoire si ça devait aller au bout ou pas. Parce qu'il a rien gagné. Il a pris un rouge et en plus il y a eu but derrière. Non, mais il a voulu la jouer fine, mais ça a pas du tout échappé. C'était visible, ouais. C'était trop visible. À notre arbitre français, en plus, cette fois-ci. C'était tellement cher, ouais. Exactement. Donc, non, pour le coup, par contre, match très bien arbitré à ce niveau-là. C'était la bonne décision, pour le coup. Ouais, clairement. Après, voilà, un doublé de Vinicius hein, qui se montre beaucoup. L'entrée de Mbappé. Bon, qui servait pas à grand-chose, hein, pour le coup. On avait dit, il fallait pas qu'il rentre. Bon, il est rentré. Bon, du coup, ça s'est pas mal passé pour lui. Vous en pensez quoi de Brahim Diaz? Vas-y, go. Vas-y. Non, moi, je vais même pas parler que sur ce match-là, avec Brahim Diaz, et d'ailleurs, enfin, quand on parlait tout à l'heure, du coup, quand on allait faire le débrief de l'Espagne, mais du coup, bon, on va peut-être en parler un peu maintenant, mais déjà, l'absence de Mbappé et de Bellingham là, sur ces deux derniers matchs, en tout cas en tant que titulaire, je trouve que ça a apporté une certaine fraîcheur à cette équipe du Real en fait, et c'est là que je la trouve presque meilleure que presque sur les les deux derniers mois, quoi. Ouais. C'était un peu le, c'était un peu le but de ma question. Bah ouais, ouais, j'avoue, ça, Brendel, il a un vrai lien entre le milieu et l'attaque, quoi. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Et exactement. Et surtout, enfin, ce Valverde, quoi. Milieu droit, à la fois ailier, à la fois il revient en couverture. Il est partout. C'est le troisième. Enfin, voilà, c'est vraiment le poumon de cette équipe, j'ai l'impression. Vinicius qui a pleinement son couloir gauche. Et Valverde, c'est un très bon finisseur. En plus, on l'a vu par ici dernière semaine. Ah oui, c'est impressionnant. Non, et puis il est monstrueux sur tout son couloir droit. En fait, t'as l'impression qu'il joue partout. C'est fou. Et le jeune Pitarch qu'on avait découvert tous ensemble un lundi soir quand il jouait face à Retafe, le Real, il a pas quitté le 11 non plus. Ah. Très pertinent. Ouais, il a fait son match. Il est sorti un petit peu avant la fin, mais ouais, il a fait son match aussi. Hein. Il est sorti dans le dernier quart d'heure. Mbappé, oui, on parlait qu'il était capable quand même en 20 minutes de prendre un jaune. C'est fort. Oui, c'est vrai. Il faut simuler la performance. Voilà, bon, qui reprend tranquillement ses marques. On espère que on va le voir cette semaine. De toute façon, hein, si il est au niveau physiquement, donc. Mais en plus, on l'a. Alors, on espère entrer ce week-end pour faire encore un petit teasing de tout à l'heure quand on débutera la Liga. C'était son entrée n'a pas été flamboyante non plus. Non. Ah bah après voilà, je sais pas si peut-être il est sur la réserve, hein, on sait pas trop finalement quelle est sa blessure réellement, donc peut-être qu'il joue avec un peu le pied levé. J'ai presque envie de dire blessure ou pas finalement, est-ce que si on pousse la réflexion jusqu'au bout, Mbappé dans une équipe, tu te dis évidemment j'ai le choix de l'avoir, je le veux, je le prends. Bah, tu sais que voilà, il va te mettre les buts, il va avoir cette présence devant. Mais en termes de jeu d'équipe, quand t'as ce football en 2025, sur la pression, j'ai vu un article là, comme quoi avec Mbappé suite à ses rentrées, le Real joue à 9. Et je trouve pas ça forcément si déconnant que ça. Ouais. Bon, pour ça, j'attends de voir son véritable retour là après la trêve, et ce que ça peut donner encore. Et même Bellingham, même si Bellingham, encore une fois, c'est pareil, depuis des mois, il est, contrairement à Mbappé, je veux dire, parce que Mbappé, mine de rien, il performe, quoi, il marque, et bon, c'est indéniable. Oui, oui. Effectivement, factuellement, tu peux rien dire. Voilà, il fait le taf, il fait le job en tant qu'attaquant, en tant que buteur. Mais Bellingham, voilà, ou qui est un peu en perdition, si j'ose dire, enfin, en tout cas, cette saison, c'est assez cataclysmique quand même. Est-ce qu'il va réintégrer ce 11, je sais pas, mais en tout cas, les potentiels retours des deux-là, de Mbappé et de Bellingham, ça peut chambouler vraiment ce semblant d'allant, de dynamisme là ça va encore bousculer tout l'équilibre de l'équipe, en fait. Et puis, donc, ça va être ça vraiment le gros chantier, en fait, de cette trêve là pour Arbelo. Hein. Pire que ça, c'est si vraiment il faut mettre Bellingham dans le 11, est-ce que tu peux rester avec un 4-4-2? Est-ce qu'il a les épaules pour assumer un double pivot? Ben, je pense pas. Et puis après, c'est pareil, quoi. Si tu les fais jouer, tu sors d'autres joueurs. Donc, c'est ça. Je veux dire, on l'encense parce qu'on, évidemment, on l'a vu naître, sans nous dire, depuis 3 semaines, là, voire un petit mois, mais même Mbappé, quand on parlait tout à l'heure de Brahim Diaz, on parlait même d'Arda Güler, qui est vraiment très bon et qui s'est installé aussi en tant que titulaire, dernièrement, je veux dire, ça fait presque mal d'en sortir un sur les deux, quoi. Ouais. Il y a des choix à faire. Il y a des choix forts à faire pour Arbeloa. Bon. Très rapidement, avant de clôturer sur la Ligue des Champions. Donc, le Real, on l'a dit, hein, qualifié et qui affrontera le Bayern. Vrai, vrai gros test, là, pour le Real. On a donc aussi, donc le Bayern, on en a parlé, hein, qualifié, largement après 4-1 au retour. En plus, qui avait le luxe de faire tourner son équipe. Et qui s'impose 4-1. Oui, c'est plus ça en fait qui m'intrigue. Enfin, pas qui m'intrigue, mais que je trouve encore plus fort. C'est ils font tourner. Évidemment, il y avait une certaine avance, mais quand ils déroulent, chacun sait où il doit se positionner. Selon le poste, ils s'en fichent. On met Guerrero en meneur de jeu comme ça, un peu avancé, en espèce de faux neuf. Et bah allons-y, il sait quoi faire, il a regardé avant Musiala, il a regardé Gnabry qui a joué à ce poste-là, et ça lui pose aucun souci. Ouais. C'est quand même ça que je trouve très fort dans ce football de compagnie. Le Barça donc a fait le job au retour, 7-2, voilà, la démonstration, encore une fois, avec des doublés avec il y a quand même eu demi-temps sur ce match. Newcastle aura tenu un match et demi. Ouais. Il y aura une mi-temps pour eux, pas malheureusement pour eux. Ouais, c'est ça. Donc voilà, qualifié. L'Atlético, bon, battu à Tottenham, mais a qualifié après le 3-2. Tiens, au passage, on a appris tout à l'heure que Griezmann avait officiellement annoncé, hein, ça y est, son arrivée à Orlando et son départ de l'Atlético en fin de saison, même si on le savait un peu, mais là, c'est vraiment officiel. Et puis donc cette, alors là, voilà, c'est un petit peu la déception. On avait parlé de cette équipe de Bodø/Glimt, hein, on a cru, hein, malheureusement, qui a pas tenu le choc au retour, a battu prolongation 5-0. Donc voilà, le Sporting aussi qui a fait son, qu'on peut féliciter, qui a fait voilà, qui a fait son retard en première période, et puis avant la prolongation, et puis bah donc voilà, ces deux buts dans le prolong. Fin de parcours. On l'avait évoqué que c'était un potentiel scénario ça là-bas se au faire. Portugal. Mais ouais, bah il y a lieu. Ça me parle. Il a eu lieu et voilà, bon bah c'est fin de parcours pour lui qui aura fait comme une grosse saison européenne, hein, et voilà, qu'on aurait bien voulu voir encore un petit peu plus affronter Arsenal. C'est dingue, c'est vraiment de louper à ce point-là le match, quoi. C'est ça qui est assez dingue quand même. Mais ils ont complètement joué à l'envers. C'est vrai que Bodø/Glimt. Et un énorme loupé de Kasper Hogg aussi à un moment. Ouais. Il est lancé en profondeur. C'est au moins la cadrée, quoi. C'est vrai qu'ils ont été bouffés. Hein. Ils ont été bouffés complets. Sporting qui a cadré 14 frappes, c'est énorme. Hein. Qui a finalement marqué un tiers de ses frappes cadrées, c'est assez fort. Et puis bah pour Bodø, 38 tirs, ce qui est quand même énorme. Et puis à 9 tirs seulement pour Bodø, c'était pas assez, hein, forcément. Donc bah voilà, fin de parcours malheureusement pour Bodø, mais ce Sporting qui se qualifie. Et on aura un club portugais en quart, donc à fond Arsenal. Attention au Portugal. Hein. Bodø en Norvège, ils sont leaders. Je sais pas si ça a repris encore le championnat. Ah oui, non, c'est vrai, non, c'est décalé là-bas. Oui. C'est forcément, on peut pas jouer tout le temps. Ça a repris, il y a eu deux matchs de jouer. Mais du coup, Bodø n'en a pas joué. Non, ils ont pas joué forcément parce qu'ils étaient exempts avec la Ligue des Champions. Donc là, ils vont pouvoir attaquer, ouais. Ouais, ça vient de reprendre tout juste championnat norvégien. Donc Sporting Arsenal, on aura donc pas bien sûr Real Bayern à la 10 le 7 avril et le 15 ensuite et ensuite les deux autres quarts Barça Atlético. Hein, voilà, la revanche de la coupe, hein, en Espagne. Ouais. Voilà. 8 et 14 et puis bah Paris Liverpool 8 et 14 et évidemment voilà, pour ces quarts de finale, on a hâte d'y être pour voir un petit peu ce que ça donne. On va poursuivre. Alors poursuivre en tennis, mais il n'y a pas de foot, on le rappelle ce soir. L'équipe de France qui est arrivée ce matin, enfin les joueurs qui sont arrivés ce matin, Claire Fontaine, et demain matin, qui décollera pour les États-Unis. Ah oui, il décolle demain. Okay. Et voilà. On rappelle qu'ils vont arriver à Boston, hein, donc demain, ils vont s'entraîner en salle seulement, dans l'hôtel, et puis jeudi affrontement du Brésil. Voilà, ça va être un bel affrontement. Et puis ensuite, il y aura donc bien sûr la Colombie, voilà, qui va se dresser face aux Bleus, à Washington, voilà, pour affronter la Colombie. Donc voilà, donc on a hâte de voir tout ça, un petit peu ce que ça donne. Et forcément, il va y avoir un petit peu ce décalage aussi, hein, même si un petit peu de temps pour s'acclimater, mais voir comment va réagir un petit peu cette équipe de France. Et là, c'est pour aussi l'occasion pour certains de se montrer, hein, une dernière fois. Hein. Avant la liste, oui, tout à fait, oui. Donc ça va être important. Bon, même si la liste, on la connaît, quoi. Il y a déjà des grosses pistes, mais c'est vrai qu'il peut y avoir. Tu penses pas qu'il puisse avoir quand même une surprise, ouais, qui sort du chapeau, ouais. Deux ou trois noms. Merci Hugo. On connaît Deschamps, c'est pas du genre à aimer le changement, quoi. Il y a peu de surprises, mais il peut y en avoir un ou deux qui sort du chapeau, ouais. Bon, on verra, en tout cas. En tout cas, tiens aussi une info au passage comme ça à la volée, la fin de carrière de Payet. D'accord. Ouais. Qui a annoncé, bon, même si on le voyait plus, hein, mais les larmes aux yeux oui. Sur Ligue 1 Plus, ouais. Ouais. Exactement. Allez, on va passer à la suite. Tiens, puis aussi, alors, pour une autre info comme ça aussi, vous avez vu peut-être aussi la défaite aux élections à Lyon. Adolas. Ah oui, Adolas. Oui. Ouais, qui a été battu et qui a fait appel. Hein. En prison, ouais, on revient à l'époque de Lyon, de l'OL. Il accepte pas. Il devrait peut-être demander un peu d'aide à Textor, on sait jamais. Ouais. Et puis, par contre, là... justement, c'est le maire de Lyon sortant là qui a été réélu, c'est ça? Ouais. Et c'est un écolo, hein? Ouais. Ouais. C'est ça. Parce que c'est pour ça. Parce qu'il y a pas mal de vannes justement, comme quoi, Olas est encore battu par les Verts, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et tiens, une autre info, c'est Serge Blanco qui a été élu à Biarritz, ouais, ancien rugbyman. D'ailleurs, assez largement. Voilà, au passage, ces anciens sportifs qui se... alors même si Olas c'était un petit peu en politique, hein, avec en tant que président de Lyon, il était plus ou moins un petit peu dans la politique parfois. Donc voilà, il fera retenter sa chance dans 6 ans pour Olas. Allez, on poursuit donc. Et peut-être du coup, juste, je me permets, mais parce que je pensais que t'allais en parler du coup. Après moi, ça avait déjà fuité depuis longtemps, mais les maillots de l'équipe de France sont officiellement sortis aujourd'hui. J'allais en parler tout à l'heure, mais on peut en parler là si tu veux. Comme tu veux, non, c'est comme tu veux. Non, mais parce que quand on évoquera les matchs, mais oui, ça y est, officiellement, on les connaissait, mais officiellement, ils sont sortis, ouais, sur le site de la marque à virgule. Et donc, On peut pas le dire. Non, on peut pas dire que c'est Nike. On peut dire que c'est Nike, mais on peut dire que du coup, il y a d'autres nations Adidas, qui sont Adidas. Et puis, Hummel. Par exemple. Et donc, voilà, bon, pas de surprise, hein, le maillot bleu et le maillot vert. Je sais pas, vous en pensez quoi de ces maillots aussi, très rapidement. Le bleu, bon, pourquoi pas, c'est une proposition, mais je préférais celui de cette année, mais. Ah bah largement. Moi je fais partie vraiment des grands fans du gros coq pour le coup. Coloré en plus, hein, c'est-à-dire doré avec le petit sol vert avec l'herbe et puis bien sûr la crête rouge. Moi je suis un grand fan de ce maillot, avec un maillot qui est revenu à un bleu royal, si j'ose dire. Un vrai beau bleu. Là où on retourne un peu là dans le bleu marine, que moi j'aime pas du tout, et c'est depuis que Nike est arrivé quasiment, je crois que le bleu marine a été vraiment lancé. Non franchement, alors pour le coup. Au début, quand ça avait les premières fuites ont eu lieu des maillots, il y a déjà quelques mois, presque même 6 mois, j'avais vu le maillot vert. Je me suis dit, mais le maillot vert, c'est pas possible. Et au final, là, je le revois porter, je le vois, et je commence à kiffer en fait. Ouais, il est pas mal. J'avoue que. Et je crois que je préfère l'extérieur au domicile. Tu sais que je suis pas loin de. Ça le mérite d'être original en fait. Ouais, je suis pas loin de dire la même chose parce que le bleu avec le col, on retourne. On retourne sur un col à boutons là. L'ancienne, oui. Moi, j'aime pas trop. Moi, c'est perso, c'est pas ce qui me dérange le plus. Mais moi, c'est vraiment c'est les motifs, les espèces de rayures en éclair. Je sais plus vraiment ce que c'est. J'ai plus de maillot dans les yeux, mais j'ai l'impression que c'est un maillot d'entraînement, d'échauffement, de pré-match. Ouais. J'ai pas l'impression que c'est un vrai maillot. Il me stresse ce maillot. Il t'emballe pas. Il m'emballe pas et j'ai pas l'impression que c'est un maillot qui va nous emmener loin. Ouais. Alors après bon je dis ça mais franchement je sais pas pareil votre avis là-dessus. Moi le maillot de 2018 à la base je n'aime pas du tout. Pour moi il est pas beau. Ouais mais tu vois quand tu le vois après il y a plein que j'ai pas aimé puis que quand je les ai achetés finalement en fait tu t'y fais. Enfin moi je me suis fait. Bah après ça dépend. Il y a des maillots qui font beau sur les joueurs mais pas sur toi. Ouais. Des maillots qui sont certainement moches. Il y en a d'autres. Non mais. C'est ça, non, de moi 2018 déjà j'aimais pas. Après il est devenu plus beau avec l'histoire, avec ce qu'on a vécu forcément. Mais moi je l'ai trouvé simple. Sobre. Ouais, c'est ça. Le côté sobre. Ah bah, 2022, n'en parlons pas, en termes de sobriété. Sans trop de fioritures. Non, 2018, mais oui, aussi 2022, oui, c'est vrai. Très très sobre. Mais pour le coup, sobre mais élégant. Je trouvais quand même que t'avais un meilleur bleu. Le coq, enfin tout qui était doré, tous les petits détails dorés sur 2022, c'était. Puis il y avait un petit bouton quand même, mais c'était moins prononcé que celui-ci là. Bon. Bah, 2018 il y avait un bouton, 2022 il y avait un bouton. Ouais, on y retourne, mais plus avec un vrai col pour le coup, un vrai col à l'ancienne. Ouais. Bon, on verra. En tout cas, on va avoir cette. Je sais pas s'ils vont jouer. Ils jouent avec cette semaine, je crois. Hein. Bien sûr. C'est jeudi. Jeudi, on le verra probablement face au Brésil, ce maillot bleu. Oui, bleu contre jaune. Et puis le maillot vert, on pourra peut-être le voir face à la Colombie. À la Colombie, allez, éventuellement. Peut-être. Je ne sais pas, on verra. Enfin, pas les deux jouent en jaune, donc je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, mais oui. Ouais. Mais en tout cas, ouais, le vert, pourquoi pas, avec le petit rappel des couleurs bleu, blanc, rouge sur les manches. C'est. Ça, voilà. Même si le vert, on n'a jamais eu du maillot vert, mais. Après, avoir le rendu, parce que, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les maillots et qui nous écoutent, faut savoir qu'il y a deux types de maillots en gros. Il y a vraiment les maillots stock pro, enfin en tout cas ou type stock pro qui se trouvent en boutique aussi, mais supporter, avec la technologie des joueurs. Et il y a le maillot supporter. Oui, voilà. Et Et selon la technologie pour porter les joueurs, peut-être ça rendra beau justement à la télé. Et nous, quand on va vouloir peut-être aller acheter la version boutique en boutique, ou sur le site, enfin peu importe, mais ça rendra peut-être moins beau parce qu'il y aura moins de détails sur le maillot. Et des fois, il y a des maillots comme ça. J'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit comme ça, mais où il y a des deux versions par rapport au maillot qui est porté en match et le version supporter, où c'est pas du tout pareil. Donc j'attends de voir aussi notamment sur le vert ce que ça peut donner sur les deux cas. Et d'ailleurs, ça a fait un peu débat parce qu'ils sont pas, les prix des maillots 110€, hein, le maillot supporter. Ah. Au lieu de 90 précédemment. Comment t'as 110 là? Non, ils sont pas. Si. Tu vas arrêter à voir sur le site de l'inflation. Non, le maillot supporter c'était 100€ là depuis un an à peu près. C'était déjà passé à 100, ouais. Bon, bah là on est à 110 maintenant. Vierge de flocage, vierge de patch. J'ai pas vu passer l'info. Ouais, tout. Tu passes à 110 là? 110€, ouais. Le maillot supporter, hein. Le maillot classique. Attends, je vais aller vérifier ça tout de suite. Bah vas-y. Ça m'intrigue. Tu vas sur le site de la Fédé ou sur celui de Dike. Ouais, de la Fédé, ouais. Ouais, ou Dike, par exemple. C'est de les deux, ouais. Donc, ouais, c'est bon. Après, pourquoi pas. Et puis 160, le maillot de joueur. Là, on commence à s'envoyer dans des. Ça c'est un scandale. Non, mais c'est vraiment scandale. Ouais, c'est 110€. Non, mais c'est dingue. Ouais. C'est fou. C'est l'effet États-Unis, hein. Tout augmente. Allez, on passe à notre Tour d'Europe. On va falloir qu'on accélère un petit peu parce qu'on a pris beaucoup de temps là, mais on va être efficace sur la Bundesliga d'abord. Hugo avec commençons avec Leipzig hein, qui recevait Hoffenheim. Donc c'était vendredi soir avec une partie vraiment maîtrisée par Leipzig qui en profite même plus que ça, qui va en parler, qui repasse quatrième avec cette victoire et qui double son adversaire du soir du coup. C'est un vrai match de tableau ça. Bah là c'était le vrai match de haut de tableau ce week-end en Bundes. Le match effectivement où parce qu'il n'y a plus beaucoup de matchs forcément jusqu'à la fin de saison, donc il n'y a plus beaucoup de points et surtout dans des matchs à confrontation directe entre rivaux au classement. Donc c'était vraiment important là pour Leipzig comme pour Hoffenheim de prendre des points et Leipzig a complètement répondu présent lors de ce rendez-vous là. Pourtant Leipzig n'est pas non plus sur une grosse saison, enfin en tout cas on les a connus bien mieux sur certaines années, sur ces dernières années. Et Leipzig c'est un peu comme je dis avec l'Atletico, ils sont capables d'un match comme ça où ils flamboient, ils défoncent tout, il y avait 4-0 à la pause et ça les offensives venaient de partout. Hoffenheim n'a vraiment pas vu le jour, surtout en première période, c'était catastrophique défensivement pour Hoffenheim. Et Leipzig a vraiment lâché les chevaux. Baumgartner qui marque encore, qui a marqué un doublé côté Leipzig. Grouda qui a marqué un doublé également, qui a été énorme sur son aile droite, tout comme son homologue, de l'autre côté gauche, Yann Diomandé, qui a été excellent aussi avec une passe D, pas de but, mais qui a été énorme. Romulo aussi qui a pas marqué, pourtant devant, Romulo qui a été très très important. Même des fois dans un rôle de pivot alors qu'il n'est pas du tout utilisé comme ça ou même dans la profondeur aussi, donc très très intéressant. Donc gros match de Leipzig et je l'ai dit, Hoffenheim qui a complètement loupé le rendez-vous. Leipzig était vraiment au-dessus partout offensivement, c'était assez dingue franchement de voir cet écart entre ces deux équipes là qui pourtant justement tu le disais, Leipzig a dépassé Hoffenheim au classement. Alors via le goal average, hein, pas via les points, mais voilà, c'était la grosse opération du week-end en Allemagne, c'est effectivement cette manita de Leipzig infligée à Hoffenheim. Hoffenheim, ouais, qu'on a vraiment pas reconnu par rapport à cette belle, vraiment belle saison qui nous font depuis août dernier. Donc ouais, c'était assez dingue. On m'attendait vraiment pas dans ce choc-là à un écart comme ça vraiment de niveau. Je m'attendais peut-être oui plus à un 3-2, à un 2-2. Voilà, de part et d'autre, un 3-2, que ce soit pour Leipzig ou Hoffenheim, mais pas un 5-0 du tout. Mais Leipzig, là, franchement, a terrassé Hoffenheim. Samedi, on avait le Bayern, aussi, qui a fait le spectacle, qui s'amusait face à Berlin, l'Union Berlin, je veux dire, c'est beaucoup moins fort que Hoffenheim. 4-0, et donc il se rapproche un peu plus du titre. Oui, balade de santé pour le Bayern, c'était presque une formalité pour les Bavarois que de gagner une nouvelle fois. Enfin, c'est une équipe mal classée. Pourtant, je le rappelle, l'Union Berlin avait tenu en échec 2-2 le Bayern lors de la première phase de championnat. Mais ouais, ce week-end, ultra domination du Bayern, mais beaucoup de gâchis quand même, parce que il a fallu attendre la 43e hein, pour voir les Bavarois enfin marquer grâce à Michael Olise. Classique, un côté droit, il pique dans l'axe en entrant dans la surface et puis il enroule son ballon dans le petit filet opposé. Et puis tout va aller vite par la suite. Dans les arrêts de jeu avant la mi-temps, il y a Gnabry qui va marquer un but après une action en deux temps. On retrouve des vestiaires, Harry Kane qui va enfin y aller de son but après plusieurs ratés en première période. 31e but de passage, hein, sans plus. Ouais, bah, c'est gigantesque de toute façon. C'est des standards. En combien? 26 ou 28, 26, 28. J'avais l'info tout à l'heure. 26. C'est... 26 seulement? Ah, en Bundes, je veux dire, oui. Oui, en Bundes, oui. Ouais. Parce qu'en... C'est déjà pas mal. Il a raté qu'un match, ouais. C'est déjà pas mal, ouais. C'était déjà, ouais, incroyable. Effectivement. Et là, ouais, une belle frappe à l'entrée de surface, dans l'axe où il est dos au but, il va se retourner et frapper. J'ai envie de dire presque sans réfléchir. Surtout qu'il n'est pas gêné par le marquage de la défense berlinoise. Hein. Ce serait quand même dommage de défendre. Donc ça fait 3-0 pour le Bayern à la 49e. Ah non, mais c'est vraiment, c'est impressionnant. Il y a zéro marquage en plus, il y a zéro pressing. Donc bah, 3-0 pour le Bayern à la 49e et puis 4-0 grâce à un doublé de Gnabry à la 67e. Une nouvelle fois sur une action en deux temps. Toujours bien placé. D'ailleurs, l'attaquant allemand sur ce match-là, il a été intéressant. Un petit peu en renard. Et voilà, bon, pour ces petites physionomies, ces quatre petits buts, je vais une nouvelle fois encenser Olise quand même pour l'ensemble c'est de son œuvre sur ces 90 minutes. Dès le premier quart d'heure, il met une passe. Il y a que lui qui a vu que c'était possible de faire la passe pour Harry Kane, ouais. Qui malheureusement la petite louche qui bute face à Renault. Mais ouais. Non, c'est impressionnant ce qu'il est en train de devenir, Michael Olise, et je m'en réjouis. C'est exactement ce que j'allais souligner. C'est vraiment, enfin, c'est pas nouveau, mais. Les automatismes qu'il a avec Harry Kane, c'est vraiment impressionnant. Alors, je crois qu'ils sont vraiment proches dans la vie aussi. Ben, ils sont tous les deux anglais. Enfin, Olise est quand même anglais, a grandi en Angleterre et tout. Donc, mais c'est vrai que les automatismes sur le terrain entre Olise, bon, évidemment, oui, il y a Cadlor dans les pieds et Harry Kane aussi, mais c'est assez impressionnant, quoi. C'est assez dingue. Victor Duberne, et Moussiala 4-0. N'est toujours pas vraiment revenu. Je sais pas si vous avez vu aussi pour Olise. Deux infos en même temps, mais notre ami Florentino qui serait peut-être intéressé, encore un joueur offensif. Oui, ça pourrait faire. Ouais. Là, c'est de la politique avant tout, mais il va falloir qu'ils comprennent qu'à un moment, quand tu diriges quand même un club de sport, bah, le sportif, ça va influer sur la politique. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de réflexion au Real, alors que c'est l'un des clubs les mieux gérés depuis évidemment des années et des années. Mmh. Et notamment par Florentino Pérez, d'ailleurs, pendant 10-15 ans. Et là, je sais pas ce qui se passe là. C'est la vieillesse, je sais pas, j'en sais rien. Mais j'ai pas vu l'info passer. Donc, si ce que tu dis est vrai, donc, non, mais ça serait une connerie abyssale. Ouais. Ou alors, faut dégraisser largement. Mais, c'est une rumeur. Après, ça peut être une histoire aussi d'agents qui amènent de l'intérêt pour signer des contrats, des choses comme ça. Mais pourquoi pas, en fait, ça m'impressionnerait même plus de la part de Florentino qu'il puisse y avoir un fond de vérité. Mais passons, on enchaîne peut-être sur l'Allemagne. Ouais, Dortmund, pour finir sur ce débrief, qui recevait Hambourg pour rester au contact. Match fou. Lointain, ouais, du Bayern. Match fou, et c'est une sorte de pénalty quand même sur cette rencontre. Alors, histoire de pénalty, oui. Alors déjà, oui, un match très compliqué pour Dortmund, qui vraiment a eu beaucoup, beaucoup de mal. Ils se sont procurés un peu d'occasion en première période, mais rien de bien folichon, en tout cas, rien de bien dangereux, pas vraiment d'occasion nette. Et Hambourg va vite en profiter en marquant, pour le coup, à la 19e minute, le 1-0, juste avant la pause aussi, le 2-0 à la 38e. Et Dortmund est presque fantomatique au fond du couple, si j'ose dire. On les sent vraiment pas potentiellement revenir, et même en début de seconde période où il y a très peu de réactions, un peu plus, mais il y a de l'allant, mais il y a vraiment très peu de dangerosité, très peu de grosses occasions côté Dortmund. Et il y a effectivement une histoire de penalty. J'ai dû en oublier un de penalty. Oui, on a vu un. Il y en a eu un de la 45e qui a été raté justement. Même tiré à côté, c'est dingue. Ouais, complètement loupé. Ouais. De Félix Mecha, et puis un deuxième donc à la 73e seulement, où c'est Rami Bentebaini qui va ensuite s'en occuper, parce que c'est vrai que moi sur le coup je me disais, mais c'est pas Guirassy à la base, non, Guirassy ça fait déjà longtemps qu'il ne tire plus les pénaltys, ouais. À Dortmund, et donc c'est donc effectivement Mecha qui a loupé le premier en tout début, enfin la 45e, et Bentebaini donc là qui va réduire le score à la 73e. Donc là on va dire que c'est un pénalty, donc c'est Hambourg qui fait la faute. 5 minutes plus tard, 118e, alors Guirassy qui va venir marquer l'égalisation pour Dortmund, mais sur à la base de l'action, c'est une touche, alors je sais plus de quel joueur d'Hambourg, une touche qui est complètement ratée, où il comptait simplement faire une touche, sauf que la balle glisse de ses mains, et ça va être en gros récupéré par les joueurs de Dortmund, et puis bon, ça va donc amener le but de Guirassy. Et puis 84e, donc tout ça en à peine 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, 3 buts Dortmund, hein, et un nouveau penalty, donc provoqué par le BVB, et puis Ben Sebaini qui va marquer un doublé donc de penalty pour le 3-2 qui les tire d'ailleurs. Moi j'aime pas quand même, il les tire pas bien dans le sens où c'est pas une grosse frappe, c'est pas une frappe très bien placée non plus, mais plat du Neymar, plat du pied sécurité comme on dit, mais beaucoup de sang-froid, c'est efficace en tout cas. Et avec la petite feinte, si je veux dire, le petit arrêt dans la course vraiment à la Neymar qu'on ouais. a connu, mais très bien tiré quand même, et c'est lui qui a marqué les deux buts sur penalty. Mais donc voilà, oui, tu disais Rémi, une histoire de penalty sur ce match, hein, trois penalty sifflés pour le BVB. Mais voilà, c'est une victoire. Maximilian Bayer, très pertinent, il va aller chercher quand même ses fautes. Il est toujours dans le contact, il se bat énormément, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Bah, moi aussi, ouais, franchement, c'est un très bon joueur, Maximilian Bayer, qui est encore, ouais, justement, là, il était positionné comme en attaque sur ce match. Tout à fait. Ouais. C'est ça qu'il faut souligner aussi. On a vu à Hambourg. Fabio Vieira. Patrick Vieira. C'était le jeune qui était à Arsenal, ça. Oui, exactement. Très bien, donc Dortmund qui conserve sa... Voilà, de toute façon, qui ne pouvait pas passer à deuxième place, mais qui garde son avance confortable sur Stuttgart et qui reste à 9 points du Bayern, même si je pense que même eux-mêmes n'y croient plus au titre. On va pas se cacher. Un dernier résultat, c'était hier le Stuttgart qui a gagné à Augsbourg, là aussi assez largement 5-2. Qui enchaîne. Ouais, qui enchaîne bien, qui continue, voilà, et qui reste bien installé à troisième place, qui prend une place. Et encore Undav énorme, hein, doublé encore pour lui. Ouais. Bah ouais, c'est très important joueur de Stuttgart là qui permet de rester accroché sur des places européennes. C'est très serré quand même, hormis bien sûr le Bayern qui est en tête avec 70 points, le Dortmund deuxième 61 points. Ensuite on a Stuttgart 53, Leipzig et Hoffenheim 50. Puis Leverkusen, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais qui a fait match nul face à Heidenheim, c'est pas un bon résultat, hein, face à la lanterne rouge, puisque ça les laisse à 4 points d'Hoffenheim. Et donc également de Leipzig qui est européen, donc qui est en Ligue des Champions, donc c'était pas le moment de faire perdre des points. Donc bon résultat pour le Francfort qui est assez loin, 38 maintenant, pourra plus espérer grand chose en tout cas en termes de Ligue des Champions. Il faudra peut-être aller chercher la 6e place, même si elle est déjà assez loin en bas. Saint-Pauli, donc le barragiste, Wolfsburg et Heidenheim justement, voilà, qui est très loin au classement. Un petit mot sur ce qui nous attendra à la reprise, hein, du championnat. On a Stuttgart-Dortmund qui va être intéressant, hein. Voilà, ce sera au retour de la trêve, et c'est à peu près tout, hein, comme rencontre importante de cette journée-là, hein, globalement, à Fribourg-Bayern si vous voulez, mais voilà, c'est surtout ce Stuttgart-Dortmund pour la deuxième place, hein, puisque mine de rien, si Stuttgart venait à s'imposer, ça pourrait rapprocher tout ça. Voilà, mais on aura bien sûr l'occasion d'en reparler lors de la reprise. Autre chose, c'est tout pour l'Allemagne ? C'est tout bon. C'est bien déjà, pas mal. Hein. Eh ben on passe en Italie, à Serie A, c'était la 30e journée, avec le Napoli qui ouvrait le bal à l'extérieur, du côté de Cagliari, voilà, pour espérer revenir sur l'Inter, hein, là aussi. Hein. Voilà, on va en parler, qui a perdu aussi des points et qui perd des points ces dernières semaines. Est-ce que l'Inter peut être inquiété en cette fin de saison? On va en parler face à Cagliari, donc mal classé, hein, qui joue le maintien là aussi. Et Napoli va venir s'imposer là, un succès très important grâce à McTominay qui continue de faire des belles performances avec le Napoli dès la deuxième minute, hein. Ça a été très très rapide, hein. Il fallait pas être en retard dans cette rencontre. Voilà, une grosse domination quand même, hein, globalement, de Naples qui mérite sa victoire, hein. Tant qu'Aguilar n'a pas été dangereux, hein, aucun tir cadré, donc il n'y a pas d'autre logique que cette victoire, même si ça n'a pas été un grand Naples, hein, qui aura cadré 5 fois, mais il n'aura pas été plus efficace que ça avec ce seul but qui permet donc au Napoli de rester 3e. On verra, il y a très très peu de mouvement dans le top 10, hein. Voilà, donc il reste 3e à 1 point du Milan. Et on le verra qui se rapproche de l'Inter, donc peut-être qu'on pourra, pourquoi pas, avoir une course à 3 à la fin, en fin de championnat, si l'Inter continue de perdre des points. Mais en tout cas, succès très important de Naples. Il me semble qu'après, l'Inter est quand même assez tranquille sur sa fin de saison. En termes de, ouais, là c'était un peu la période peut-être plus compliqué si on veut, l'élimination de Ligue des Champions, oui. Ce qu'on a connu. Mais en termes de fin de calendrier, à part c'est plus abordable, ouais. Ouais, ouais. Il me semble que c'est. Mais bon, c'est vrai qu'ils perdent des points. Il y a un déplacement à Côme aussi, un 12 avril. Un déplacement hein à Côme. À Côme. Ouais, bah, oui, on va en parler, qui est en grosse forme aussi. Donc, ouais, c'est vrai qu'ils peuvent peut-être encore perdre quelques points. Donc, attention, l'Inter, on va en parler après, qui pourrait tout perdre. Le Milan, qui jouait samedi, donc, qui se devait de gagner, justement, pour rester devant ce Napoli. Là aussi, ça n'a pas été toujours très simple pour le Milan, voilà, dans cette rencontre face au Torino. Une équipe aussi en recherche de points pour le maintien, hein, donc c'est pas forcément facile non plus de jouer des équipes mal classées, puisque ouais, ils jouent aussi la lutte pour le maintien. Donc match compliqué aussi pour le Milan, qui va venir s'imposer 3-2, avec une nette domination, en tout cas en termes de possession, mais pas en termes d'occasion, hein, puisque le Torino encore a tenté plus de fois, qui aurait été les plus dangereux. Et c'est comme le Milan qui va venir s'imposer. Ouverture du score de Pavlovic, donc à la 37e, à la demi-heure de jeu. C'est le Torino qui va venir égaliser juste avant la pause. Hein, le timing parfait pour revenir avec Simeone. Et puis on va avoir Rabiot qui va enfin marquer avec le Milan. À 54e, donc au retour des vestiaires. Et voilà, ensuite Milan va se mettre un peu plus à l'abri avec Fofana à l'heure de jeu. Et voilà, Milan pensait être tranquille, mais le Torino qui va revenir en fin de rencontre avec un penalty de Vlasic, à la 84e, qui le Milan qui aura encore souffert dans les dernières minutes, mais qui va voilà prendre un succès très important, voilà, le Milan, et qui va revenir donc à 6 points désormais de l'Inter. En tout cas, voilà, Rabiot qui aurait été quand même solide sur cette rencontre, Fofana également, et donc qui va venir s'imposer, pas logiquement, mais en tout cas avec des points importants gagnés sur cette rencontre. La Juve qui enchaînait donc juste après face à Sassuolo. Voilà, une équipe voilà, qui joue plus grand chose, hein, Sassuolo qui est 10e, donc vraiment pas un adversaire sur le papier en tout cas dangereux. Et la Juve qui va perdre des points, qui était bien revenu, on avait parlé ces dernières semaines avec 2 victoires d'affilée, et ben là qui rechute un petit peu, hein, qui perd des points très importants, avec ce match nul 1 partout donc face à Sassuolo. C'est Yildiz qui va très rapidement ouvrir le score au premier quart d'heure, et puis égalisation de Sassuolo à la 52e au retour des vestiaires. Et puis bah voilà, pas d'autres buts dans cette rencontre. Pourtant la Juve a ultra dominé cette rencontre, hein, pour être factuel du côté de cette équipe de Sassuolo, un tir cadré, un but, voilà, tout est dit. C'est d'autant plus dommage pour la Juve qui a cadré 8 fois, mais qui n'aura pas été suffisamment réaliste devant le but, et qui peut regretter ces 2 points perdus, puisque ça les laisse 5e à 3 points de Côme maintenant. Donc c'était le moment de gagner vraiment pour se rapprocher voilà de ce top 4. Mais pour l'instant ils sont 5e, cette équipe de la Juve, qui pourrait, on le rappelle, un qualificatif pour la Ligue des Champions. Tout va dépendre de l'indice UEFA en fin de saison, mais pour l'instant on ne sait pas. Donc il faudra aller chercher des points importants pour aller chercher la 4e place donc en fin de saison. Comme on l'a évoqué, hein, juste avant, qui a écrasé Pise 5-0. Voilà, qui est sur un vraiment une grosse période, hein, cette équipe de Côme, hein, 5-0, voilà, qui continue d'enchaîner, hein, 5e victoire consécutive pour Côme, hein, qui reste 4e, mais voilà, qui est vraiment sur une grosse série, donc qui continue d'impressionner face à Pise. Alors c'est vrai que c'était la lanterne rouge, mais il fallait encore faire le job. Ils ont vraiment pris au sérieux sur cette rencontre, et donc 5 buts avec 5 buteurs différents. Donc voilà, ça prouve que tout le monde peut marquer dans cette équipe de Côme, et qu'ils peuvent être dangereux sur chaque ballon. Donc ça fait encore une belle rencontre, et ça permet de rester en contact du podium, et donc d'espérer la Ligue des Champions. Ce serait quand même fort d'avoir Côme en Ligue des Champions, hein. Pour l'histoire, oui, ce serait fou. Il reste... ce serait beau. Après, ils ont encore deux tableaux, hein. Ils ont encore la finale retour de coupe à jouer contre l'Inter, enfin face à l'Inter. Ouais, tout à fait. Ouais, ce sera bientôt d'ailleurs, ce match. Ça sera fin avril. Ah oui, non, c'est vrai que c'est en Italie, c'est vrai qu'on a espacé les deux tours. Et puis donc la Roma aussi hein, qui reste sixième faveur de son succès face à Lecce. L'unique buteur c'est Vaz à l'heure de jeu hein, qui va permettre à la Roma là aussi de ancien Marseillais. Alors c'est Marseille, tout à fait. Une petite fierté. oui, quand même. Une victoire plutôt globalement assez logique pour la Roma qui est dominée, mais cadrée seulement deux tirs. Donc finalement, ils ont marqué 5% de leur tirs cadrés. C'est plutôt efficace, mais ça a pas été un gros match offensivement pour la Roma, mais qui va s'en sortir avec cette victoire importante aussi pour rester au contact de la Juve. Voilà, vraiment quelques encablures de la quatrième place. Donc ça continue. Après c'est souvent ça, la Roma aussi ça gagne de justesse, très grosse défense. Spalletti non, c'est offensivement ouais moins et qui resté offensivement c'est pas pareil. Qui restait sur trois matchs en victoire, donc il était très important de gagner, et chose faite pour la Roma qui revient un petit peu dans ce classement. Puis l'Inter bah justement qui clôturait hier face à la Fiorentina. Une équipe aussi en recherche de points vu du maintien hein, qui a que deux points d'avance sur la zone rouge hein, la Fiorentina, équipe historique aussi de la Serie A qui pourrait pourquoi pas descendre en fin de saison. Donc un point très très important gagné par la Fiorentina. C'est Esposito qui va ouvrir le bal très vite hein, première minute de jeu pour l'ouverture du score. Et puis l'Inter qui s'est surprendre dans le dernier quart d'heure à 77e, Endur qui donne l'égalisation à la Fiorentina, troisième match de suite sans victoire pour l'Inter, pour le leader donc en Serie A, et désormais qui n'a plus que 6 points d'avance sur le Milan. Donc attention, on le disait tout à l'heure, qui ne va pas tout perdre dans cette saison. Et donc on rappelle notamment Thuram pas très en forme sur cette rencontre hein. Ça avait été tout l'inverse sur le match précédent hein, qui avait été très remarqué et qui s'est fait beaucoup marquer là beaucoup moins. Donc forcément c'est compliqué derrière pour marquer. Et puis on rappelle que Martinez aussi qui est absent, ça fait beaucoup de mal à l'Inter hein. Et j'aime beaucoup quand même ce petit jeune Esposito petit à petit. Bah c'est lui qui marque ouais, pour le coup. C'est donc, ça, tout à fait, ouais. Pour le coup, ça a été payant, mais l'Inter n'aura pas réussi à garder donc cette victoire. Puis tiens, Thuram justement qui marque pas beaucoup de points pour l'équipe de France hein, justement avec cette contre-performance juste avant la trêve, c'était pas le bon moment, mais bon. Déjà que c'était compliqué pour lui en plus avec nos bleus, oui. Bon, voilà pour cette journée. Il a été appelé le petit Esposito avec l'Italie ou pas? J'ai pas vu passer sur les derniers rassemblements, il l'avait été. Mais sur celui-ci, c'est une bonne question. On peut regarder ça. Je vous laisse regarder ça rapidement. En attendant, le classement donc de cette série à l'Inter. Donc, on l'a dit, il reste leader 69 points. Le Milan deuxième 63 points. Naples troisième 62 points. Là, on a comme ensuite 57 points. Quatrième, la Juve et la Roma sont à 54 points. Bergame, qui de son côté a gagné aussi, reste septième avec 50 points. Lazio très loin, maintenant huitième avec 43 points. Lecce est le premier relégable avec 27 points. Vérone et Pise sont à 18 points, donc ça va être compliqué de revenir. La 31e journée, donc au retour de la trêve, elle nous donnera donc comme rencontre importante, on l'a dit, l'Inter face à la Roma. Donc ce sera au retour. Attention l'Inter, hein, voilà. Donc dans cette rencontre, et puis on aura un Napoli-Milan. Hein. Ouais. Très important aussi. Et oui. Et donc ça peut tout rebattre dans cette journée, puisque Milan qui a une grosse occasion en fonction de ce que fera l'Inter de revenir peut-être à 3 points. Hein, donc ce sera une belle journée qui nous attendra sur cette retour. Sur ce retour de trêve. Et si notre petit Pio Esposito, donc sélectionné avec l'Italie pour les barrages face à l'Irlande du Nord, peut essayer de ramener les 3 points pour l'AS Roma en même temps quand il reviendra, si l'Italie est qualifiée. Gros enjeu de ces prochaines semaines. Ouais, exactement. Voilà pour l'Italie. On va poursuivre avec l'Espagne maintenant. Et donc cette nouvelle journée en Liga, c'était la 29e journée avec les trois gros qui jouaient hier. D'abord le Barça qui a démarré en début d'après-midi face au Rayo Vallecano. Après forcément une sortie réussie en Ligue des Champions, il fallait confirmer en championnat pour rester simplement leader. Alors de toute façon, il serait resté ils seraient restés leaders, mais pour garder leur avance de 4 points. Chose faite avec cette victoire 1-0 seulement, un but qui permet au Barça de rester en tête, Hugo. Et un Jean Garcia énorme surtout. Oui. Ouais, ouais, qui rapporte 3 points, quoi. Et en plus, bien sûr, ouais, bah c'est, je crois que j'avais noté en plus dans ma fin d'analyse qu'effectivement la victoire pouvait lui être grandement contribuée. Mais donc ouais, minimum syndical proposé par le Barça, mais donc oui, une nouvelle victoire qui était forcément importante pour eux, pour laisser le Real à distance au classement. Et puis surtout, voilà, oui, tu l'évoquais, Rémi, lorsqu'on a un enchaînement de matchs tous plus importants les uns que les autres, notamment après la qualif contre Newcastle 7-2 en semaine. Bon bah tu peux t'attendre forcément juste avant la trêve parce que voilà, il y a un petit peu moins de d'efforts, si j'ose dire, de données dans un match comme ça. Le seul but de la rencontre a donc été marqué, ouais, à la 24e sur corner d'une tête d'Araujo. Ça peut plus faire du bien, lui qui réalise une saison quand même compliquée aussi, le défenseur uruguayen. Puis oui, le score qui reflète le fait que les attaquants catalans n'ont pas été aussi en vue qu'habituellement, même si Yamal nous a régalé aussi de sa palette technique, de son efficacité en 1 contre 1 encore une fois. Lewandowski qui continue un peu sa saison en demi-teinte, si je puis dire, qui est quand même loin de ses standards habituels. Et bon, il a été remplacé après à la pause par Ferran Torres. Et puis Rafinha, alors pour le coup, il a plutôt été trouvé et remarqué, mais il a vraiment manqué de réalisme sur ses 3-4 occasions franches ou même sur une récupération de balle sur l'aile gauche après que le gardien du Rayo ait réalisé une très mauvaise sortie balle au pied. Je sais plus à quel moment du match exactement ça, mais le gardien du Rayo fait une très, très mauvaise sortie avec le ballon et Rafinha va pouvoir récupérer. Mais derrière, il n'est pas assez lucide sur la suite de l'action et malheureusement, ça ne donnera rien. Et en parlant de gardien, tu le disais Alex, oui, on peut évidemment souligner une nouvelle fois l'excellente performance du gardien catalan, Juan Garcia, qui commence vraiment à se faire un nom. Il a encore fait, pareil, 3-4 grosses parades dans ce match-là, notamment en seconde période. Et oui, je pense qu'on peut effectivement largement lui attribuer cette victoire. Parce que même si le Barça a globalement géré la rencontre, ils ont failli se faire avoir à plusieurs reprises par des attaques du Rayo Vallecano. Donc voilà, même avec cette victoire minimaliste, le Barça qui conserve bien sa première place au classement. Exactement, c'est 4 points d'avance. Le Real a joué hier face à l'Atlético, ce choc, pour ne pas être distancé un peu plus par le Barça, il fallait gagner. Chose faite, mais difficilement. Ouais, en tout cas, on a eu droit à un très gros derby madrilène entre le Real et l'Atleti, un match qui a très vite été débridé et qui est resté ouvert, sans pour autant jamais avoir véritablement eu de domination nette d'une des équipes sur l'autre. Alors, on peut quand même ici dire que le Real a quand même plus poussé, eu plus d'occasions que l'Atletico. En tout cas, le match a commencé fort dans les 10 premières minutes avec un tir dangereux de Carvajal à la 3e, le poteau touché par Valverde à la 9e ou encore Llorente côté Atlético qui va buter sur le gardien merengue à la 10e. Mais il a fallu pour... Justement, sur cette action-là, vous pénalty ou pas? Oui, sur de Carvajal, enfin... Oui, tout à fait, oui. Sur l'action de Llorente qui est arrêtée par Lounin, enfin le choc qui reçoit la tête. Je comprends même pas que ce soit pas revu sur le coup... Ça change quand même le match. Mais l'arbitrage n'a pas été très bon sur ce match-là, je trouve. Non. À revoir. Je te laisse finir le match, mais occasion importante. Je vais revenir aussi sur le carton rouge de Valverde après un match aussi qui est assez incompréhensible. Mais voilà, pour revenir un petit peu chronologiquement, il a fallu attendre donc une grosse demi-heure malgré tout pour voir l'ouverture du score, malgré ce gros début de match et ouverture du score de l'Atlético, de Lookman. 1-0 donc pour les Colchoneros, un peu contre le cours du jeu à la suite d'un centre à gauche de Ruggeri sur Giuliano Simeone qui va très intelligemment pour le coup dévier le ballon dans la course de Lookman et donc qui va ajuster Lounine, l'attaquant nigérian. Et ouais, je pense que ça va lui faire du bien aussi ce but, parce que Lookman, oui, on l'avait vu faire des débuts tonitruants au début de l'année, et qui est un peu moins en vue ces dernières semaines, donc c'est d'ailleurs son premier but en Liga à Lookman. Et puis le Real qui va vite revenir dans le match après la pause à la 50e grâce à un pénalty transformé par Vinicius, pénalty provoqué par, on l'évoquait tout à l'heure Alex, le virevoltant Brahim Diaz, qui profite vraiment bien, encore une fois, on le rappelle, de l'absence de titularisation de Mbappé ou même de Bellingham. Donc ça faisait un partout là très vite en faveur du Real. Et puis 5 minutes après, Valverde qui va profiter d'un contre favorable face à Jiménez pour marquer de l'extérieur du pied. Il va pour aller passer le Real. Il va se le chercher, on en parle un peu tard. Vraiment sa hargne et ce couloir droit, on l'a vu faire des replis aussi défensifs avec un sprint à tout à l'heure. C'est vraiment très très très très fort Valverde. est dans une très très grosse forme, effectivement, le milieu uruguayen. Donc ça fait 2-1 là, à ce moment-là. Et c'est sur ce score que Mbappé va rentrer également sur le terrain en remplaçant notre fameux petit jeune, notre fameuse pépite, Thiago Pitarch, à la 63e. Et puis on l'évoquait aussi tout à l'heure, Mbappé qui n'aura pas vraiment non plus l'occasion de retrouver des vraies sensations dans ce match-là. Tout du moins pas au-delà que de la condition physique et un peu de rythme. Et puis tout comme la semaine dernière, Nahuel Molina va envoyer un golasso exceptionnel à la 66e, à 25 mètres du but sur la droite. Il envoie une sacoche qui atterrit dans la lunette opposée de Lounine. Ça fait 2-2, donc j'en invite encore une fois aussi, pour ceux qui n'ont pas vu, aller voir ce magnifique but, cette belle frappe de Molina. Et puis ça va encore aller très vite. 6 minutes plus tard, Vinicius qui a inscrit un doublé pour donner la victoire au sien avec, pareil, sa classique, sa signature. Il est côté gauche, il repique dans l'axe et il place une frappe précise dans le petit filet droit. 3-2, 72e, et puis donc une fin de match qui va rester intense avec, on commence à le dire, l'exclusion de Valverde à la 77e pour un coup de pied, oui, selon moi, involontaire. Un peu sévère. Un rouge direct qui est sévère. Bah, puis il touche le pied, il touche pas le dessus, quoi. En fait, on sent qu'il arrive en retard. Clairement en retard. Et puis, dans sa manière de poser le pied, c'est quand même bizarre parce qu'il arrive à moitié sur le côté derrière. Il arrive avec quand même un peu les crampons. Je pense qu'à vitesse réelle, l'arbitre était pas loin. Il a dû se dire, c'est un attentat, quoi. Ah, mais j'ai pas l'impression qu'il s'essuie les crampons non plus, même au ralenti. Non, il veut, lui, dans sa tête, il veut prendre le ballon, en fait. C'est pas le style de joueur à faire ça, en plus, Valverde, pour le coup. C'est pour moi un jaune bien sûr. Oui, ça aurait pu suffire. Cohérent, mais ça suffisait amplement, je pense. Ça aurait pu suffire. Vraiment. Après, c'est pas scandaleux non plus, mais c'est un peu sévère. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. C'est ça. Pas d'impact sur non, le match. Non, ils ont gagné. Par contre, ça aurait pu être un scandale s'il n'y avait pas eu les 3 points derrière. Oui, par contre, si l'Atlético égalise, je peux te dire qu'on en aurait entendu parler beaucoup plus discutant. Ouais. Et surtout que Julián Álvarez, il va aussi trouver le poteau. Là dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire, mais donc rien va empêcher le Sorial là d'obtenir ses 3 points. Et donc on l'évoquait encore une fois aussi tout à l'heure quand on parlait de la Ligue des Champions, un Real que j'ai trouvé beaucoup plus concurrent, incisif, et puis ça fait plaisir à voir au vu des performances médiocres qu'on a depuis le début de saison dans le jeu. Avec ce 11 encore une fois, avec ce 11 là, effectivement, on évoquait les absences de Bellingham ou surtout de Mbappé, même si encore une fois dans les stats on peut rien lui reprocher à Kylian Mbappé. Mais donc voilà, ça permet au Real de revenir, enfin de rester en tout cas à 4 points du Barça. Et ça, en revanche, dommage quand même pour l'Atlético qui espérait retrouver le podium et une 3e place, mais qui devra se contenter pour l'instant de la 4e, un point derrière Villarreal. Ouais, fin de série sur 4 victoires consécutives l'Atlético. Et ils perdent leur 3e place puisque Villarreal a battu la Real Sociedad vendredi, donc 3, donc repasse 3e. Et Atlético devrait en plus se coltiner le Barça au retour de la trêve. C'était l'enchaînement des gros là. Donc pas de chance, c'est la calendrier comme ça. En tout cas, on en aura eu droit des Atlético Barça là en seconde partie de saison. Bah, il y en a une dose. Il y en a eu. Enfin, c'est pas fini du coup. Bah oui, il y en a eu 2, 3, 4, il y en aura 6 dans la saison. Ouais. Si je compte bien. Oui. Hey. Ils sont pas joués en Supercoupe d'Espagne aussi? Non, peut-être pas. Je dis peut-être des bêtises. À confirmer. Je sais pas s'ils se sont. Vous me confirmez ou pas? Non, personne ne me. Il y a quelqu'un? Non, tu te débrouilles, hein, franchement. Non, parce qu'en Supercoupe, je. Non, mais j'avoue que j'ai tendance à confondre c'était la Coupe et la Supercoupe. C'était Real Atlético en demi-finale de la Supercoupe. Et pas donc bien joué, Rémi. Donc ils sont joués 6 fois et pas 7. Ça aurait pu être 7, mais c'est déjà pas mal 6 fois. Très bien. Le classement, donc le Barça 73, le Real 69, Villarreal 58, Atlético 57, et puis Betis 44. Hein. Le top 4, c'est fini. Hein. En tout cas, pour la Ligue des Champions, c'est joué. Hein. Voilà. Et puis en bas, sans trop de surprise, Mallorca, Levante, Oviedo, c'est pas joué, à part Oviedo qui est un peu en retrait, mais sinon le reste, ça peut jouer. Donc je vous l'ai dit, en retour, Atlético Barça, puis le Real ira à Mallorca. Justement, relégable actuellement. Pour finir notre tour d'Europe, l'Angleterre, 22h12, on n'est pas en avance, hein. Après on a encore la Ligue 1, mais on va bien sûr prendre le temps de parler de l'Angleterre. Avant de parler de la finale de la League Cup, le championnat, c'était la 31e journée pour ceux qui jouaient, donc Arsenal, notamment United, Liverpool. Arsenal et City étaient donc exemptés, mais Arsenal qui avait joué plus tôt, qui avait concédé le nul justement face à face aux Wolves, mais on prendra peut-être un peu plus de temps sur la Carabao, mais en commençant vendredi, beaucoup de matchs un petit peu de haut de classement, Manchester United qui voulait rester troisième, il y avait eu 4-4 à l'aller quand même entre ces deux équipes là face à Bournemouth, donc tout se joue en deuxième mi-temps, pour le coup une grosse domination quand même de Manchester en première. Premier pénalty obtenu par Cunha qui a été accroché par le maillot, Bruno Fernandez voilà qui transforme sans trop de soucis. Et en fait voilà, tout se joue en 10 minutes sur ce match-là. Il pousse et sur un contre, donc c'est Truffert après qui trouve son capitaine Christie qui va égaliser. Alors à savoir quand même le contre, personnellement on parlait un petit peu des erreurs d'arbitrage, je trouve qu'il y a penalty justement de Truffert sur Hamad en pleine surface, il utilise pas les épaules, il le pousse avec la main et c'est sur ce contre-là que ça permet l'égalisation. Directement dans la foulée aussi un corner magnifiquement tiré par le capitaine Bruno Fernandes, toujours pour Manchester United. Ça fait un petit peu cafouillage, ça rebondit sur deux joueurs et en fait c'est le défenseur Hill donc qui se le met contre son camp. Encore un penalty 10 minutes plus tard et c'est Eddy Junior Croupy, donc notre Français, qui va le transformer. Un penalty à montrer dans les écoles parce que énormément de sang-froid, fort. Croisé, petit filet, alors contre-pied du gardien, mais même s'il était bien parti, je pense que ça, c'est vraiment un pénalty inarrêtable. Okay. Et match nul une nouvelle fois entre ces deux équipes-là. Et puis à noter, Maguire qui a été exclu aussi. En fin de partie, oui, tout à fait. C'est lui qui provoque le pénalty, en fait. C'est ça. Samedi, Liverpool. Après le faux pas de Manchester United, Liverpool donc voulait revenir dans la course, mais malheureusement on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, Ekiti avec Sabeki qui est sorti, il y avait déjà les absences de Salah, d'Isaac, plus personne pour occuper la pointe, même si Gakpo peut dépanner là-dessus, donc il n'avait plus réellement délié, c'était que les latéraux qui apportaient un petit peu de danger. Et en fait, voilà, Brighton a vite ouvert le score face à un Liverpool en manque d'inspiration. Welbeck, une nouvelle fois, cette fois-ci, donc pour son 11e but de la saison, au quart d'heure de jeu. Derrière, c'est Milos Kerkez, donc en se projetant une nouvelle fois. Lewis Dunk, le capitaine défenseur central de Brighton, en voulant le remiser à Verbruggen, fait tout simplement une passe décisive à Milos Kerkez. Merci. Exactement, ça fait plaisir. Donc surtout que c'était loin d'être évident pour Liverpool dans ce match-là, à la 30e minute. À noter quand même, très belle finition, un petit ballon piqué. Mais derrière, Brighton était quand même supérieur. Et c'est une nouvelle fois Danny Welbeck, à l'heure de jeu, un petit peu avant, qui va donner la victoire aux siens. Et ouais, bah, Liverpool n'en profite pas. Liverpool qui ne profite pas du faux pas de Manchester United, mais peut-être que Chelsea en a profité. Et c'était un peu plus tard ce samedi. C'est ça. Loin de là même. On a été spoilé un petit peu tout à l'heure. Domination folle d'Everton. Quand même avec ces deux résultats-là. Donc oui, Chelsea voulait remonter, mais ouais. Everton aussi pouvait aller chasser potentiellement les places qualificatives en se rapprochant un petit peu. Avec leur victoire, ils se retrouvent à 3 points maintenant de Liverpool, actuellement 5e. Une victoire. Alors évidemment, Everton n'est pas Paris, mais c'est très alarmant sur le niveau des Blues actuellement. Une déroute pour les joueurs de Rosenior, avec un Beto en feu, donc premier but pour lui à la 33e, il remet ça à l'heure de jeu avant de délivrer à Ndiaye une magnifique passe décisive à la 76e, pour être précis. Mais voilà, des déroutes en ce moment pour les joueurs de Liam Rosenior. On en a déjà parlé, messieurs. Et donc, il reste. Par contre, juste pour intervenir sur Everton, il y a quand même un derby de Liverpool qui s'annonce énorme le 19 avril. Oui, quand on va parler un petit peu des prochaines rencontres, ça va s'annoncer. Qui pourra revenir à hauteur, En fonction, évidemment, de ce qu'il lancera à ce moment-là, mais ça peut annoncer du lourd et encore des surprises d'ailleurs dans cette première ligue, un peu comme l'année dernière, comme Nottingham, des choses comme ça. En fait, maintenant, beaucoup plus d'équipes arrive à se glisser un nom. La Carabou. Donc, attends, juste pour finir, c'est Aston Villa qui en profite quand même en battant West Ham 2-0. 2-0, mais domination folle de, ouais, d'Aston Villa, pas volée du tout. Et qui met fin à une série de 4 matchs sans victoire et dont 3 défaites consécutives. Donc, c'est important de rebondir, surtout sur une journée où personne ne gagne. Donc, ça va permettre de revenir à un point de United qui est 3e. C'est ça. Et surtout de laisser Liverpool à 5 points. Donc, succès très important de Villa, hein, en vue de la Ligue des Champions. Et puis pour Everton, tu l'as dit, il revient à 3 points. Donc, vrai beau succès en bas. On reste peut-être, alors dans ce cas-là, si on continue aussi purement PL, Tottenham. Qui oui. perd 3-0 face à notre championship, hein. Bien. Ouais, descente aux enfers face à un concurrent direct en plus, hein. Bah exactement, en fait ils pouvaient peut-être respirer et prendre 5 points d'avance. En fait, ils se retrouvent à 1 point de West Ham barragiste, et là c'est barragiste ça sur les gars direct, non? Il y a pas de barrage en PL. Non, il y a pas. Non, c'est directement. Raison, ouais. C'est le réflexe de la 18e place chez nos Français. Ouais. Donc ouais, 30-29. Là, ça devient compliqué. Ouais. Burnley, Wolverhampton, c'est fini à 20-27, mais pour West Ham, Tottenham, 29-30, même Forest, hein, c'est pas fait, et Leeds, et tout ça, ça va se battre pour la dernière place de descente. Donc pour l'instant, Tottenham n'est pas très très loin et sont sur une série catastrophique. Hein. Newcastle aussi qui perd encore une fois à domicile face à Sunderland promu qui fait une très belle saison. Ouais, qui est dans le top, pratiquement dans le top 10, au port du top 10. Donc belle saison pour eux. La Carabao, donc pour finir, et ce titre pour City. Bon alors messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match-là? Assez équilibré quand même en première période. En fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être Arsenal qui avait finalement la plus grosse pression sur cette finale-là. Oui, ils n'avaient rien à perdre, City. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis la faute de main, la cagade de Kepa quand même sur le premier but de City. C'était vraiment un duel, parce qu'il y a quand même deux grosses occasions avec deux arrêts de Trafford. C'était un duel de gardien numéro 2 et Kepa qui retombe dans ses travers. C'est malheureux parce que ça les plonge directement. Et juste après, dans la foulée, O'Reilly qui met donc son doublé, à noter aussi Cherki, très très intéressant dans son positionnement. Mais ouais, Nico O'Reilly qui, dans la tête de Guardiola, monte beaucoup sur tous les coups francs, corners, coups de pied arrêtés, de manière générale. C'est pour ça qu'on aussi voit buteur exactement, pas mal de fois. Il est très grand Nico O'Reilly, mais il n'a que 20 ans. Ça annonce encore de belles années devant lui. Chez les Citizens. En tout cas, City, ouais, premier titre cette saison. Il y en a pas, peut-être un deuxième. C'est la 9e Coupe de la Ligue anglaise pour City. Pour City, oui. Et donc City, qui pourra peut-être faire le même coup face à Arsenal en championnat. Qui pourra prendre les deux titres à Arsenal. La situation se reproduit encore une fois en championnat. Ça va dépendre, je pense, de la Ligue des Champions, de ce que fait Arsenal. Ouais. Mais vraiment, faire attention aux déplacements au Portugal, le Sporting qui ne perd pas tout simplement chez eux, c'est quand même à noter. Ouais. Et c'est dit qu'il est encore engagé en Cup, hein, qu'il pourrait faire un doublé, peut-être même un triplé. C'est on n'en est pas là, hein, mais voilà, potentiellement c'est encore jouable, hein, parce qu'il y aura un City en fait, Liverpool d'ailleurs si en Cup. Si on y pense, je pense que malheureusement, eux aussi y pensent. Oui. Mais il faudra scrutiner Liverpool d'abord en quart de Cup, pendant qu'Arsenal ira à Southampton en D2, donc. Pas la même adversité. Très bien pour l'Angleterre. On l'a dit, donc au retour de la trêve, on aura donc, enfin on l'a dit, on l'a pas dit d'ailleurs, mais on va le dire. La 32e journée, on n'a pas de. Ah si, on a Chelsea City, pardon. Chelsea City, même si Chelsea n'est pas enfin en ce moment, c'est peut-être le moment de se relancer face à City. Est-ce que aussi Sunderland peut couler définitivement Tottenham, peut-être en fonction des autres résultats, bien sûr. Oui. Mais Tottenham va devoir se déplacer. Ça peut être compliqué. Ouais, ça peut être compliqué. Oui. Brentford, Everton aussi dans le milieu de tableau, ouais. Mais on vient de. Bah pour Everton, ouais. C'est exactement. Ça, tout à fait. Très bien. Alors, on clôture notre tour d'Europe. On revient donc en France pour évoquer donc nos trois championnats. Un petit mot en national. Alors pour l'USO, c'est dommage, il n'y a pas eu de victoire. Et une match nul à Caen, c'était samedi, un partout. Orléans qui avait ouvert le score et qui profite pas du coup des mauvais résultats de ses concurrents directs, hein, puisque Rouen a été tenu en échec 0 partout au Paris 13 Atlético, et que on a également l'autre équipe qui était au coude à coude, le Puy, non pas le Puy, oublié son, c'est Versailles, voilà, qui a fait un partout face à Fleury, donc bah il fallait gagner pour en profiter, bah raté. Dijon reste leader avec sa victoire à Quevilly-Rouen, et puis Sochaux qui fait une belle opération battant Aubagne 4-1, qui passe deuxième du coup devant Rouen et qui prend 2 points d'avance. Voilà, occasion manquée pour Orléans de revenir à 2 points de Rouen en troisième, hein, qui est donc la place de barragiste. Mais c'est pas fini, il reste encore des rencontres et ouais, 4 points c'est rien finalement. C'est vrai que c'est une belle occasion bah de revenir, mais voilà, il y en aura d'autres. Orléans recevra Villefranche vendredi donc à la source à 19h30 face à Villefranche Beaujolais qui est 11e. Ouais, 11e qui a plus rien à jouer, donc qui reste sur une série en plus assez c'est négatif, donc ce serait bien de gagner pour voilà, essayer d'y croire et attendre un faux pas encore de ses concurrents. Et il y aura, je crois, un, si je dis pas de bêtises, un Orléans-Rouen, je crois, de mémoire, qui va arriver très vite. La Villefranche Concarneau et Aubagne à l'extérieur. Aubagne qui reste sur 5 défaites d'affilée. Il va falloir faire le plein de points, bah, déjà. Quevilly-Rouen faudra gagner. Versailles sera un vrai choc parce que qui veut aussi le, et ce sera le Dijon pendant la dernière journée. Ça peut être la finale. Ça peut être se déplacer, messieurs. Ouais. En tout cas, voilà. Et rien n'est fait. Tout est encore jouable. Donc, dans ce national, la Ligue 2. Statu quo hein, dans ce championnat de Ligue 2, puisqu'il n'y a eu aucun mouvement dans le classement, tout simplement. C'est une journée qui n'est servie à rien, ou presque. On a donc 3 qui a gagné face à Dunkerque 5 buts à 1, donc voilà, qui a fait le job, qui reste leader. Saint-Etienne qui a gagné 4-0 face à Annecy, voilà, qui reste aussi en deuxième. Le Mans a battu Amiens 4-3, gros match. Qui reste troisième. Le Red Star aussi qui a battu Clermont. Et puis Reims, cinquième. Pour les, on passe les, voilà, les pages de barragistes qui a gagné 2-0 à Guingamp. Donc, top 5 qui n'a pas bougé. Donc, c'est une journée qui n'a fait pas avancer les choses en bas. Amiens, Laval, Bastia pour les relégations. Venons-en à cette Ligue 1, 22h24, revenons sur ces 9 matchs, en étant les plus concis possible, merci. Il n'y a pas de souci, mais justement, bah, on parlait un petit peu de l'Angleterre, tout s'est resserré, ouais. Au milieu de tableau, Lille qui prend des points au Vélodrome, Monaco, pareil, qui a réussi à faire chuter Lyon, alors que bon, quand même un certain nombre de joueurs étaient revenus, c'est malheureux, une énorme faute qui permet à Monaco de prendre l'avantage, un avantage décisif 2-1 cette fois-ci. Rennes se casse un peu les dents contre Metz malgré une belle domination, et Lens et Paris font le travail, donc ça permet de s'envoler un petit peu. Bah, Lens, qui revient bien. Mais la bataille pour la troisième place maintenant est rude, ouais. Ouais, c'est plus couverte. Ouais, Lens qui était sur une série assez négative et qui se relance donc face à Angers. C'est le cas de le dire. Ouais. Un mot là-dessus, peut-être, je sais pas si Hugo t'as suivi un peu cette rencontre, ou de loin en tout cas. Oui, non, mais Lens a marché, oui, sur Angers. De toute manière, il n'y a pas vraiment de match dans ce match. Voilà, Lens a été au-dessus, ils ont retrouvé les sensations, vous l'avez dit. Ils ont retrouvé un petit peu leur dynamique, c'est bien pour eux. Après, oui, la petite déroute, si j'ose dire, à Lorient. Même si on savait que contre Lorient, ce serait pas une partie de plaisir pour eux, mais là, c'était le match à gagner face à une équipe d'Angers qui, effectivement, ne pratique pas un excellent football. Quoique cette saison ils ont pas été si mal parfois le SCO, mais là oui, face à Lens qui avait quand même fin de points, et pour essayer de recoller, de repasser devant le PSG, ça a été chose faite pour les Lensois, donc c'était un score logique. Ils ont vraiment fait le taf avec encore un très bon Hudson Edouard, Mathieu Udol également, même Thauvin qui a marqué le premier but, donc non, un match plein, franchement, d'énorme. Quel but de Udol pour le jour de ses 30 ans, c'est ça, hein, ou 31, je sais plus, enfin le jour de son anniversaire en tout cas, c'est sûr qui marque entre volée retournée, enfin un très beau geste. On passe rapidement sur Toulouse-Lan, qui est un match qui est pour le milieu de tableau, qui a priori pas trop d'enjeux, hein, Toulouse qui gagne 1-0 dans la dernière minute, voilà, ça permet de rester. On a noté quand même la défaite de Lorient, qui est une équipe solide de notre championnat. Ouais, cette saison. Qui avait fait une série intéressante il y a quelques temps, et là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, pour les Lorient. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, donc s'ils passent derrière Toulouse, du coup, au classement. Pareil, on l'a dit, hein, très rapidement, qui a gagné à Nice, hein, voilà, c'était C'est pas une surprise, hein, c'est pas un exploit non plus face à des Niçois plus que jamais en danger. Avec une victoire 4-0, voilà, très rapidement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette rencontre de Paris qui était au-dessus. On l'a dit, Monaco, pour avoir un petit peu le match, hein, avec les Lyonnais qui poursuivent leur série négative. Hein. D'ailleurs, au passage, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'élimination de Lyon et Lille en Ligue Europa, c'est vraiment vrai, dommage. On a surtout pour Lyon, qui était pour moi au-dessus avant la... Ah, alors, ah, mais là, Lyon, il y a quand même un petit monde qui s'est écroulé En peu de temps là. En deux semaines, on va dire. Ouais. Un peu comme ce match-là, mine de rien, face à Monaco, c'était déjà pareil contre Marseille. Mais bon, il y a de quoi s'en vouloir. Le carton rouge aussi à la fin de Tagliafico, je l'avais pas mentionné, mais. Ouais, ils sont sur leur série. C'est compliqué. Et Monaco, pour le coup, ouais, qui enchaîne, qui se rapproche un peu plus, qui peut finir en poulet de canon cette saison. Hein. Et puis. Mais dans l'absolu, Strasbourg a 9 points. Alors. Eux aussi ont une partie d'Europe, ça fait partie de nos clubs français qualifiés. Ouais. Mais sur le fond, dernière journée contre Monaco, ils reçoivent Monaco. En plus, c'est toujours difficile de se déplacer là-bas en Alsace. Ils sont qu'à 9 points en soi. Lyon, Marseille en ce moment, ils peuvent tellement contre-performer que tout est vraiment possible. Tout est jouable. Marseille, Lille, on peut en l'évoquer. Allez, je te laisse une 30 secondes pour en parler, Hugo. Peut-être que t'as sûrement vu le match. Mais 30 secondes, c'est bien assez. On se repère. Enfin, oui, après 3 victoires, ça aurait été bien de continuer face à cet adversaire-là et surtout profiter, de ce nouveau faux pas des Lyonnais, si on peut appeler ça un faux pas. Mais malgré l'ouverture du score de Douaneri juste avant la pause, ça n'a pas suffi parce que oui, dès la reprise. Il y a Meunier qui vient égaliser, et puis donc ce but en fin de match de Giroud. Il s'est réveillé, du coup. Ouais. Merci. Et Giroud, qui vient marquer là, tranquillement de la tête. Alors, on sait que c'est un très bon genre de tête, même à son grand âge, mais c'est vrai que c'est toujours quelqu'un aussi d'imposant dans les airs, mais il est quand même presque pas attaqué. Enfin, il y a personne qui défend sur lui. Il est entre Balerdi ou Eyal et les deux, on sait pas, il regarde Balerdi, je pense que les deux buts sont quand même un peu pour lui aussi, c'est toujours aussi catastrophique. Puis je pense qu'il y a quand même encore un gros problème au milieu de terrain de l'OM. Voilà, je pense que j'ai dépassé les 30 secondes, j'ai même pas envie d'aller un peu plus loin. Mais c'est d'un point de vue comptable, encore une fois, c'est affligeant de perdre encore des points, j'ai envie de dire bêtement quand même, et surtout quand Lyon, encore une fois, nous laisse un peu le champ libre. Et tiens, blessure de... Greenwood, hein. Ce serait juste une béquille aussi. Oui, il devrait être revenu pour. C'est un ami des Kitikés ou non? Pas spécialement. Ouais. Notons quand même Auxerre qui bat 3-0 Brest. Ouais, quel perf d'Auxerre, qui. C'est vrai que je l'ai fait bien en parler, j'avais sauté ce match, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu, mais je voulais en parler surtout parce que quel perf d'avoir joué quasiment un match complet en fait à 10, hein. C'est ça. Et en plus qui fait un grand pas vers le maintien, non, mais en tout cas vers la place, sécuriser sa place de barragiste parce que désormais ils sont quand même à 5 points de Nantes, donc c'était vraiment important. Et puis pourquoi pas voir Nice qui s'écrouler encore un peu plus et aller chercher un maintien. Je sais pas s'ils se rencontrent, non ils ont pas, je pense pas qu'ils se rencontrent, hein, ces deux là entre Serre et Nice, mais non ils se rencontrent, ah si ils se rencontrent à la 33e journée disons. Par contre Auxerre a un calendrier compliqué. Oui, bah il y aura Nantes. Ça veut dire que si dans 15 jours, enfin à la reprise, il faut gagner contre Au Havre et contre Nantes. Et là, tu te mets et après tu croises les doigts. Tu sécurises. Bah, si tu bats le Havre, déjà tu reviens. Exactement. Tu reviens à 2 points. Donc ouais, ça va être déterminant pour faire ces deux prochaines journées. Ensuite, tu auras Monaco, Lyon quand même à se coltiner. Hein. Il y aura Lille pour finir, mais. Déjà, Le Havre et Nantes, ça peut être décisif pour Auxerre. Donc après Lille, par exemple, Lille, oui, il faudra voir selon s'il y a de l'enjeu ou pas. Bien sûr. Rennes-Metz, très rapidement, il n'y a pas eu but 0-0. Pour Metz, c'est un peu l'image de la dernière semaine, même s'il y a un point de prix quand même. Pour Rennes, c'est dommage. Ça cale un peu depuis deux matchs là pour Rennes, qui reste néanmoins. Il faut réussir à mettre le ballon dans les buts. Hein, ça reste le principe de ce sport-là. C'est le principe. Mais en soi, c'était pas un mauvais match de la part des Rennais, de l'équipe de Francaise. Mais bon. Autrefois. Le Paris FC qui bat le Havre et qui du coup donne un petit peu d'air au classement. Hein. Ces dernières semaines, ça va un petit peu mieux pour le Paris FC. Ça fait 6 matchs, je crois, sans défaite. Hein. C'est ça. Et du coup, bah désormais, qui a 9 points devant le Baragi. Donc. Et encore une victoire pour une équipe à 10 contre 11. Alors même si le rouge est venu un peu plus tard. Oui, en effet. Presque une mi-temps. Je suis notaire, mais mine de rien, voilà. Ouais. Comme quoi, c'est pas une excuse toute trouvée de se dire ça quand on perd à 10 contre 11 ou voilà. Et donc voilà. Jouable à 10 contre 11. Exactement. Paris FC donc et le Havre par contre qui s'en fout. Immobilier en plus, je crois. C'est, bon, le fameux attaquant italien, je crois que c'est son premier but en Ligue 1. Ouais, Thierry Immobilier. Ouais. Exactement. Et puis un étrange match du dimanche soir, t'es Nantes Strasbourg, pourquoi pas. Donc ils se rencontraient, bah Nantes qui s'est un peu sabordé, hein, voilà, et qui a mené deux fois. Et qui finalement s'incline, voilà, c'était vraiment pas le moment face à Strasbourg, d'autant qu'Auxerre avait gagné, donc bah, je le disais, ça les laisse à 5 points maintenant d'Auxerre. Donc, bah, plus que jamais, Nantes est très très proche d'une relégation dans cette saison. Mathis Sabine qui a retrouvé son couloir droit aussi, pertinent aussi. Et c'est ça, et Strasbourg qui désormais 8e, donc 40 points, donc en tête on l'a dit Paris 60 points. C'est quand même juste, enfin bon, faut quand même l'évoquer, mais même si on a du mal à imaginer une victoire de Nantes contre Paris, il y a toujours un match de retard pour Nantes quand même. Exact, oui, tout à fait. Maintien. Oui, c'est vrai. On sait jamais. Oui, d'ailleurs, le match qui a... ça dépend. Ils vont se jouer quand? Il va se jouer quand ce match-là? Parce que entre Ligue des Champions, etc. C'est la semaine du 13 avril. C'est ce match. Voilà. Okay. Ouais, donc c'est peu de temps après la. Ouais. Et il a été après la 13. Probablement le mardi ou mercredi, mais. Non, j'ai le 22 avril, moi. T'as dit quoi, toi? La semaine du 13, du 14 ou 15 avril. Je pense pas qu'il ait. Il avait pas été. Après du 22 avril, là, mais je sais pas si c'est ça, du coup. Je crois pas qu'il a été encore. Parce que si c'est le 22 que bon Paris passe Liverpool comme on le souhaite et comme on en a parlé tout à l'heure, derrière Paris reçoit Lyon. Bon, avant les potentiels demi, faire tourner face à Nantes, c'est pas. Si t'as raison, pardon. Ça a été. Oui. Ouais, c'est le 22 avril, ouais. Ouais, ça a été annoncé tout à l'heure. Ouais. Oh, c'est la Saint-Alexandre, éventuellement. Donc. Donc ouais, 22 avril à 19. Bah oui, après les deux tours de. Après l'aller-retour, ouais, des cas. Oui, c'était prévu le 14 mars, initialement. Et donc. Et d'ailleurs, justement, le PSG Strasbourg, ça a été aussi évoqué aujourd'hui, encore une fois, veulent essayer de décaler leurs matchs respectifs entre leurs deux quarts de finale de Coupe d'Europe. Donc, Lens PSG le samedi 11 avril, ce qui risque d'être compliqué parce que je pense pas que Lens va vouloir. Alors, c'est pas Lens qui décide, c'est la FP, hein, ils ont pas trop le choix. Hein. Alors, ce serait quand même un scandale de. Ah oui, de je suis d'accord. Pour les Lensois. Ils n'ont pas vraiment leur mot à dire dans ce truc-là, dans cette histoire-là. Et puis, ce serait Brest, Strasbourg, potentiellement, qui pourrait être décalé aussi. Ouais. Alors, pour Paris, ce sera la dernière possibilité. Hein. S'il y a demi, ils ne pourront pas reporter leur match. Hein. Il n'y aura plus de place. Ouais. Ça a été annoncé. Donc, c'est là ou en demi. Donc, il faudra choisir. Ouais, et puis Strasbourg aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Strasbourg qualifié, hein, ça fait plaisir. Puisqu'on a un deuxième donc français en Coupe d'Europe en quart qui affrontera d'ailleurs on n'a pas Mayence ouais dans ces quarts ça paraît jouable hein ça paraît jouable oui c'est jouable ça quand on regarde ce qui reste il reste pas grand chose mais Strasbourg c'est pas non plus Ouais, faut quand même pas s'avancer parce que non. Strasbourg faut que ça décide de jouer aussi faut faire attention parce qu'ils sont quand même fait un petit peu peur contre Rijeka hein. Oui, oui. Et puis faut toujours faire attention avec nos clubs français aussi. Mais non, faut espérer, ça peut être beau. Donc Paris leader 60 points, Lens donc pour l'instant deuxième avec 59 points, Marseille troisième 49, Lyon, Lille 47, Monaco 46, sixième donc, septième Rennes 44, Strasbourg on l'a dit huitième 40, et puis donc pour en bas, voilà Nice et aussi Le Havre sont à 27. Et puis les relégations avec Auxerre 22 points barrage, Nantes 17e 17 points et Metz dernier avec 14 points. C'est quand même un sacré championnat quand on pense que Lyon avait 8 points d'avance à un moment sur Marseille. Là c'est Marseille qui a uniquement 9 points d'avance sur Strasbourg, ça va à une vitesse. Ah ouais. Et que dire de Monaco qui était au fond du trou quelques semaines et là aussi. Et ben là c'est combien de victoires d'affilée, 6 c'est victoires, plus de 5 je crois. On est à 6 victoires en championnat. Oui, ce que c'est, ça a commencé, la série a commencé face à Nantes. Oui, c'est ça. C'est ça, ça fait 6 victoires. Il y a eu Paris. Alors après, tout ce changement-là en si peu de temps, c'est quoi? C'est excitant, c'est navrant, c'est une question à se poser aussi, quoi. Je sais pas, ouais. Ouais, sur l'état de notre foot français quand même. Alors certes, il y a le fait d'avoir réduit notre championnat forcément de deux équipes, donc il y a moins de matchs et c'est voilà, mais au-delà de ça, c'est peut-être un peu désolant aussi soit pour l'OM qui est en dents de scie depuis toute la saison, Lyon là qui ça y est a du mal à enchaîner les matchs, Monaco pareil qui a été désastreux pendant 5-6 mois, très médiocre. C'est compliqué quand même au-delà du PSG pied de lance. Je pense quand même pour un petit peu aider Monaco, Rémi, tu seras content. C'est aussi le temps que Pocognoli puisse vraiment mettre en place son jeu, et j'ai l'impression que ça colle. Il faisait des choses assez incroyables en Belgique avant, donc j'ai toujours eu tendance à y croire. On en parle. Après, est-ce que ça aurait été moins bien en laissant Luther jusqu'à la fin de saison? Je sais pas. Je suis pas convaincu que ça aurait été pire, mais si j'ose dire. Ouais, après, sortir par Paris, derrière, après, les prendre au parc, il y a de quoi rêver, non? T'es optimiste un peu, ça peut finir fort, Après, on l'a dit, il y a un calendrier, qui est pas simple, il y a Marseille au retour. Hein. Oui. Donc, c'est là qu'il y a eu Lyon, là, il y a Marseille. Marseille, ça va vraiment être des fins. Là, c'est... Faut confirmer. Après, on Paris FC, Auxerre, Toulouse, Metz, Lille, Strasbourg, donc, De dernière journée, ouais. Aussi. Ouais. Donc en tout cas, après Marseille, c'est un calendrier qui est plutôt pas facile, hein, mais à la portée. Et ouais, Lille, Strasbourg, puis surtout Marseille. En fait, c'est ce match face à Marseille qui est vraiment le dernier gros test. C'est ça. Ouais, de la saison. Donc à voir ce que ça donne. Juste après la trêve, ça permet de bien travailler aussi. Ouais. Tiens, en parlant de trêve, il va y avoir aussi le. Et oui. Ah, oui, alors juste avant on parlait de Monaco, le Pogba qui a repris l'entraînement collectif, ça y est. Et il est espéré après la trêve pour reprendre le... Il est espéré se blesser après la trêve. Oui, je pense que c'est ça. OK. J'ai pas vu la fin, mais j'ai dit il est espéré après la trêve. D'accord. Mais je sais pas si c'est blessé, non, comme d'habitude. Espérons pour notre bon vieux. L'entraînement collectif et il compte sur la trêve pour finir ce job de rééducation et de pourquoi pas revenir, mais ça me paraît encore un petit peu compliqué cette affaire là. Donc cette semaine, voilà, on l'a dit, c'est la trêve, donc les barrages. Donc barrage, demi-finale de barrage d'abord. On a dit donc Italie, Irlande du Nord. Ça c'est donc jeudi. On aura donc notamment aussi Turquie, Roumanie, Pays de Galles, Bosnie, Ukraine, Suède, Pologne, Albanie, Slovaquie, Kosovo, Danemark, Macédoine et République Tchèque, Irlande. Donc ça c'est pour les demi-finales, et après il faudra aller faire les finales de barrage, bien sûr, pour connaître les qualifiés. Bien sûr, on a Brésil-France jeudi, voilà, qui nous attend. Et puis tiens, au passage, il y a aussi les espoirs qui vont jouer un qualif de l'Euro, ce sera face au Luxembourg. La France qui est devant, hein, qui est première de son groupe, avec en plus deux matchs de moins, donc sur la deuxième place, donc et voilà, ils sont plutôt bien en place pour se qualifier. Donc voilà, Brésil-France, et puis donc les barrages. Je vous avoue en toute honnêteté ne pas avoir regardé la liste de ces espoirs là. On a quelques noms sympas. Ouais. C'était une question. Ah, je crois que tu allais nous annoncer. En toute honnêteté, je vous demandais. Je sais pas. Je regarde ça. Tout ok, suite. Tu nous dis. Je sais pas, c'est toi qui prépare l'émission, moi j'en sais rien. Je me suis pas demandé de réviser l'équipe de France. Je me suis pas occupé des espoirs, mais j'ai pas pu m'y pencher. Je me suis pas occupé des espoirs, mais on va demander à Alexander Vergier. Vendredi, on a l'Angleterre qui va jouer face à l'Uruguay, on a l'Espagne aussi qui va jouer, notamment. Et puis, donc après, ce sera dimanche pour le match face à la Colombie. Donc ce deuxième match de préparation, ce match amical. On disait, hein, les matchs, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, Hugo, les matchs intercontinentaux, les barrages du coup. Ouais. Donc on va connaître, ça y est, la dernière équipe dans le groupe de l'équipe de France. Voilà, donc on rappelle donc les équipes potentielles. Hein. C'est quoi ça? Irak, Bolivie ou Suriname, c'est ça? Voilà, exactement. Donc entre les différents barrages, hein, barrage continental et intercontinental, parce que voilà, il y a aussi des possibilités de se qualifier via des barrages entre 11 continents. Voilà, c'est assez compliqué, hein, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ce seront ces trois adversaires potentiels pour la dernière équipe dans ce groupe de la France. Parce que là, si je comprends bien, Bolivie-Suriname s'affrontent et le vainqueur affronte l'Irak. L'Irak, tout ouais. À fait, oui. Et puis il y a toujours cette possibilité d'avoir l'Iran qui ne participera pas à la Coupe du Monde. Hein. Exactement. Et qui pourrait profiter à l'Irak si jamais ça passe pas. Enfin, on n'est pas encore sûr de ça, mais ça pourrait être comme ça. Pour l'instant, ici, on est en stand-by de ce côté-là. Et pour être sur une note plus positive, bien sûr, on l'avait déjà évoqué, pas nous forcément, mais il y a quelques mois que tu avais le tirage, mais il y a toujours possibilité d'avoir, entre guillemets, deux équipes de France au Mondial, puisque la Nouvelle-Calédonie joue en barrage contre la Jamaïque et, en cas de victoire, jouerait contre la RDC, la République démocratique du Congo, là où ça pourrait être encore plus compliqué, déjà que la Jamaïque, c'est quand même un petit morceau un peu à se frotter, mais en tout cas, c'est encore possible, forcément. Ok, alors pour finir, les espoirs, t'as trouvé ? J'ai trouvé, j'ai tout, mais j'ai été pris dans notre conversation. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais bon, Guillaume Reste, gardien des espoirs avec Robin Risser. Guillaume Reste qui arrête le ballon ce week-end avec Toulouse et qui offre aussi quand même les 3 points à son équipe en plein visage. Oui, c'est vrai, exact. Voilà. Mais sinon, Bouadi et les Croupi Junior buteurs ce week-end. Non, de beaux noms. Simon Boisbré également. Non, il y a de quoi faire et donc on espère la qualification et on est en bonne voie. Ouais, c'est bien parti. Très bien, l'agenda de la semaine avant de se quitter. Donc juste, on n'a pas parlé aussi en début de. Il y a pas un petit point prono, quand même. Ah pardon, oui, c'est vrai. Mais c'est comme on n'a pas à pronostiquer cette journée, j'ai oublié d'en parler. Mais 5 partout. On avait beaucoup de matchs en commun, donc forcément, c'est logique. Il y a juste Auxerre que t'as eu. Auxerre que t'as eu bon et Monaco, moi que j'ai eu bon. Voilà, c'est ça qui nous a rapprochés. Sinon les autres matchs étaient pareils. Donc. Tu n'avais pas cru au Monaco, mais voilà, ils ont fait le job. Ça a failli faire un nul, hein. T'aurais presque pu prendre un point, mais au CR, ça n'a pas failli faire nul, non. Loin de là. Donc, on pronostiquera à la reprise de la 28e journée, bien sûr. Oui, donc cette semaine, on n'a pas parlé, mais hier avait lieu le Grand Prix du Brésil en MotoGP. C'est Bettici, l'Italien, qui a gagné aussi comme la première lors du premier Grand Prix en Thaïlande. Donc, il est leader forcément du championnat. On enchaînera. Sur le continent américain avec le Grand Prix des Amériques. C'est grand, hein. Ils partent du nord, ils vont jusqu'au sud des États-Unis. Ça fait un grand. Donc c'est dimanche. Voilà. Et puis le retour de la Formule 1 aussi, puisqu'il n'y avait pas eu de course depuis 15 jours. Ce sera au Japon ce dimanche. Voilà. Pour la troisième étape de ce championnat du monde de Formule 1. Et voilà. Pour donc la sport mécanique, ce qui va donc se passer cette semaine. Quoi d'autre? Forcément, il va y avoir aussi, on l'a dit, le retour du handball avec notamment Saran qui va essayer de poursuivre sa série, qui va chez le déplacement chez le leader. Donc très important cette rencontre vendredi. L'OLB va tenter aussi de se remettre un petit peu de cette semaine catastrophique avec 2 défaites. Avec une réception de Denain samedi 20h, on l'avait dit, qui est juste derrière. Donc c'est un match très important. Si vous pouvez y être, eh bien, ça se passera samedi à Comet Arena. Voilà pour le basket. Ensuite, on a du rugby, donc la top 14, une nouvelle journée. Le RC, on l'a dit, qui est en déplacement qu'il arrive premier du championnat. Donc pas de pression sur cette rencontre. Et puis en tennis, Miami, ça continue toute la semaine. Et donc on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est fini. Victoire donc finalement de Francis Tiafoe. Il y a eu 2 tie-breaks, hein, donc 7-6. Ensuite il perd la deuxième manche 6-4 l'Américain, et il gagne le dernier manche au tie-break 13-11 dans le tie-break. Ça a été très long. Et finalement c'est lui qui sort vainqueur de cette rencontre. Donc de cette rencontre de troisième tour. À noter qu'en Tamouté affrontera Yannick Sinner, elle sera au temps de mini cette rencontre pour affronter l'Italien quasi invincible. Et puis en football, bah voilà, on en a dit hein, toute la semaine, les barrages et la France jeudi et dimanche. Voilà, puis bien sûr, la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler. Tiens, on parlait de Lens qui ne veut pas du report en face à Paris. Donc ça y est, c'est... Et Saïd qui a annoncé officiellement qu'il partira en fin de saison au Qatar. Ouais. Dans la soirée. Ah, au bout d'un moment, ouais, c'est... Fallait que ça arrive. Hein. C'est ça. Et c'est leur pousser l'échéance, mais... Hugo ? Il est avec oui, nous ? Oui, plaît-il ? Je crois que t'étais parti. Je suis là. Non, ben voilà, c'est tout pour ce soir, c'est déjà pas mal. Hein. Il est 22h48, 6, 7 ? 7, 8. Ah, les 8, ça y est, à l'instant. Donc bah voilà, une belle émission. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Malek se retrouve dans 15 jours. C'est ça. Fait. Très bien. Et puis Hugo, bah nous on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Ah ouais, toujours présent lundi prochain, bien sûr, pour débriefer ces petits matchs de l'équipe de France. Lundi quoi tout ça, puis les barrages, enfin c'est ouais. Pas les barrages. Donc ouais, à lundi prochain. Salut Alex, à bientôt. Ouais, à très vite. On Merci. Aura un peu moins de taf puisqu'il n'y a pas de Ligue 1, enfin il n'y a pas de championnat, donc forcément ça, on risque de finir à l'heure la semaine prochaine. Et peut-être étaler un peu plus sur notre équipe de France aussi en prévision de la Coupe du Monde. Exactement. Allez, on se quitte Bonne avec. Tous. On se quitte avec ce dernier titre, The Pinkertons. On se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle émission. D'ici là, bonne soirée à vous, bonne semaine. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao.